régions du sud des Pyrénées au pourtour méditerranéen. Les températures ce matin, on a 11 degrés à Gap, 12 à Orléans et à Nevers, 13 à Brest et à Lille, 14 à Lyon, 15 à Paris, 17 à Nîmes, 18 à Toulon et 19 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 16 à Cherbourg, 18 à Lille et à Beauvais, 19 à Lorient, 20 à Bordeaux et à Paris, 21 à Saint-Étienne, 23 à Toulouse, 24 à Lyon, 26 à Marseille et 28 du côté de Toulon. La pollution, c'est plutôt bon. Les indices sont compris entre 2 et 4. Ça monte à 5 sur Toulon, Nice et Ajaccio. 50 morts et 53 blessés, dernier bilan de la tuerie dans une boîte gay d'Orlando aux États-Unis dans la nuit de samedi à dimanche. Si la piste terroriste se confirme, eh bien ce serait le pire attentat sur le sol américain depuis le 11 septembre. Le tueur, Omar Mati, âgé de 29 ans, a prêté allégeance à l'État islamique quelques minutes avant son crime. Daesh a revendiqué l'attaque hier soir, mais les autorités restent prudentes. L'auteur, qui a été tué pendant l'assaut des forces spéciales, avait déjà été entendu par le FBI, mais sans suite. Un autre homme lourdement armé a été interpellé à la Gay Pride de Los Angeles. Ce qui est désormais certain, c'est que cet acte va avoir des conséquences sur l'élection présidentielle américaine. Un meeting commun entre Barack Obama et Hillary Clinton a été annulé. Donald Trump, le candidat républicain, appelle le président à la démission. La Russie et l'Angleterre menacées d'être exclues de l'Euro. L'UEFA monte le ton après les violences de ce week-end à Marseille. Un supporter anglais est toujours entre la vie et la mort. Les autorités craignent désormais que les Anglais et les Russes se croisent à nouveau entre Lille et Lens. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, souhaite interdire l'alcool dans les périmètres sensibles, les veilles et les jours de match. Une demande a été faite au préfet pour prendre des arrêtés. Le début d'une semaine agitée sur le plan social. La loi travail arrive au Sénat et les syndicats ne veulent rien lâcher. Grosse journée de mobilisation nationale prévue demain à Paris. Encore quelques raffineries sont à l'arrêt. La grève des éboueurs se poursuit et ça continue aussi à la SNCF. 6 Transiliens sur 10, un Intercité sur 2 et 9 TGV sur 10 prévus aujourd'hui. Enfin, rien à voir avec la loi travail, mais le mouvement perdure chez Air France. Un avion sur 5 devrait rester cloué au sol ce lundi. Pas de CAF si vous êtes dans le Nord, particulièrement à Lille. La caisse d'allocation familiale la plus importante de France n'est pas en grève, mais tout simplement débordée. La fermeture a été décidée pour une semaine, histoire de rattraper le retard. 260 000 courriers sont en attente de traitement. La direction affirme qu'aucun allocataire ne sera affecté. Du sport et du foot avec les résultats de l'Euro. L'Allemagne en rodage hier contre l'Ukraine. La Mannschaft, championne du monde, s'impose 2-0. Victoire pour la Pologne 1-0 contre l'Irlande du Nord et même score en faveur de la Croatie contre la Turquie. À suivre aujourd'hui l'entrée en lice de la Suède de Zlatan Ibrahimovic contre l'Irlande à 18h du côté de Saint-Denis. Plutôt ce sera la République tchèque qui défiera l'Espagne à 15h sur Toulouse et puis à 21h l'affiche oppose la Belgique à l'Italie à Lyon. Et bien voilà, un bon programme pour aujourd'hui. Merci Rémi pour les infos, ouais. On te retrouve tout à l'heure dans une demi-heure. Bonjour à vous, il est pile 6h, c'est bonjour, parti. Bonjour, bonjour. Bonjour Romano, c'est parti pour le morning, on est lundi 13. Aujourd'hui, c'est lundi. Et c'est le morning de Difool. Morning show. En direct sur Skyrock. Et encore une grande journée qui démarre, une belle semaine aussi. Enfin, belle semaine au niveau de la météo, ce sera pas trop sage, j'ai vu. J'ai pas trop vu, moi. Eh ben, j'ai vu Romano, mais j'ai pas beaucoup vu de soleil, en tout cas, pour cette semaine. Ah ben voilà, merci. Donc, si vous en avez un petit peu, profitez-en, avant vous qui êtes dans le sud. Et puis, bienvenue à vous tous et à vous toutes, bon réveil, à toute l'équipe qui est là, déjà, en place. Bonjour Cédric, ouais, bien bonjour en place ce matin, ça va? Ouais, ça va, nickel. Bonjour Karim, en place. Bonjour, aussi. Bonjour, ça va. Et Cariole aussi, ça va bien. Bonjour, ouais, ça va. Je vois que tout le monde est en pleine forme, ça tombe bien, nous aussi. Et on a des places de foot à vous filer cette semaine, on a parlé tout au long du week-end. Toujours des places de foot à gagner, des places pour l'Euro 2016 avec le Crédit Agricole. Et aujourd'hui, encore un grand match à gagner à n'importe quel moment du morning, à un moment ou à un autre. On vous posera une question et vous repartirez avec vos deux places. Alors les places pour les huitièmes, pour les quarts, pour les demi et pour la finale, c'est à gagner. On a tout. Ah ouais, en 15 jours, on vous offre tout là. C'est parti dès ce matin sur Skyrock, restez bien dans le coin. Et puis un grand bonjour à vous tous qui vous réveillez aussi. J'ai salué l'équipe, mais je ne vous ai pas salué vous. Bonjour à Jérémy, à Linda. Il y a Monsieur Titanium qui vient d'arriver. Il y a Yo l'équipe qui est là aussi. Aina qui a reçu leur t-shirt ce week-end. Les t-shirts Skyrock qu'on vous file. Et les maillots de foot aussi qu'on peut vous filer à n'importe quel moment du morning. Ce sera pour vous. Bon, le week-end a été bon. Tiens, je vais demander à quelqu'un qui s'y connaît, Cédric, pour le match de vendredi. Qu'est-ce que t'en as pensé? Non, franchement, la France, au début, m'ont fait un peu peur sur la première mi-temps, mais ouais. Après, ils sont bien rattrapés. Mais comment tu peux dire ça? T'as pas regardé une minute du match de foot? Parce que nous, on l'a suivi avec toi vendredi, Cédric. Non, mais j'ai regardé les messages. Regardez-moi le blaireau. Oh, la France, première mi-temps. Voilà, bon, bof. L'autre a passé sa soirée, vas-y, dis-leur, Romano, sa soirée de vendredi avec nous. Mais moi, je le regardais pendant le match. Tu l'as pile en face de toi. Ouais, un peu décalé quand même. même, parce que pile en face, j'aurais pas supporté. Oui, enfin, en face à gauche. En biais. Et j'ai regardé Cédric, c'est le regard vide, et il bouffait. Voilà, il a passé sa soirée à bouffer. Il a commandé des sacs de bouffe et il s'en mettait plein la gueule. Il est au. Allez, bah, il supportait les mots. Sa manière. Je crois que tu as but, non. Je comprends pourquoi il y en a qui gonflent pendant les trucs sportifs. Ah non, mais un comment ils font gonfler les gens alors qu'il y a du sport? Ah, mais c'est du fou, il a dit les gens, ils mangent pendant les matchs. Mais ils bouffent. Mais les gens, oui, t'as bien mangé pendant le match. Nous, on a bien suivi le match. Ah ouais. T'as pensé quoi? Eh bien, vive la France. Vive la France. Voilà. Allez, les Bleus. Prochain match des Français. Non, mais c'est vrai ce que disait Cédric. Moi, j'ai eu peur au tout début quand on a failli s'en prendre à la 4e minute. Ah ouais, dès le début. Et que Loris, heureusement, il était devant pour arrêter le ballon avec son pied. Je me suis dit, c'est mal barré. Et puis, maintenant, on s'est bien rattrapé. Giroud et après Payet qui nous a. Et voilà, oui. Top but, quoi. Strass et Payet, comme on dit dans les journaux. Il nous a mis des paillettes dans les yeux. Alors, il a eu droit à toutes les blagues de merde avec son famille, le pauvre. Oui, c'est vrai. Strass et Payet. Elle dégoûtait de marquer des buts. Putain, merde, des blagues qu'on fait sur mon nom. Bon, les Français de retour mercredi. Puis ce soir, aujourd'hui, il y a des beaux matchs. On va voir la Suède de Zlatan qui joue à 18h. Et puis, on aura aussi ce soir. Et ça, ce sera en direct sur Skyrock, mais on en reparlera dans le morning, la Belgique contre l'Italie. Eh ouais. Les Belges contre les Italiens. Et dans un instant, il vient réveiller les Français. C'est un des membres des Bleus. Mais qui donc? Vous en saurez un petit peu plus. Réveil de star dans 5 minutes. Temps d'écouter Drake avec One Dance. On a prévu des Fujis aussi. Le réveil de star, les conseils pas chers dans moins d'une heure, les 1 500 €. Et puis tous les rendez-vous du morning, vous les retrouvez comme tous les matins. Vous souhaitez une bonne journée. Allez, on se balance un Drake pour se réveiller. C'est parti pour One Dance. Le morning de Difool. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Cause if you're down I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance sur Skyrock, c'était Drake, le son de Drake pour se réveiller à 6h07. Et bonne journée. Et attention, les Bleus, j'ai entendu un coup de sifflet là, dites donc. Les Bleus, ça tombe bien, les voici. Les voici, les voilà, je l'ai promis vendredi soir, j'avais dit qu'un Bleu venait réveiller les Français ce matin. C'est l'heure du réveil de star. Si vous n'êtes pas très réveillé, il va vous réveiller ce matin, vous allez voir. Ah bah c'est qui? C'est qui? Alors quel Bleu ce matin? J'ai choisi un des plus beaux, ouais. Écoutez. Bonjour. Bonjour. Ah bah c'est Didier. J'ai cru que c'était Nicolas Sarkozy au début, j'ai eu peur. C'est Didier Deschamps. Didier Deschamps. Ça va bien. Ça va bien. Il grince de plus en plus quand il parle. Oui. Alors Didier Deschamps, entraîneur de l'équipe de France de football. Je suis l'entraîneur. Mais je sais, je viens de le dire, Didier. L'entraîneur de l'équipe de France de football, c'est bien ça? Non. Si, Didier. L'entraîneur qui nous a fait une belle équipe et qui a fait des beaux changements vendredi au bon moment. Eh ben on verra ce qui se passe. Eh bien on verra mercredi. Mais c'est mercredi le prochain match, Romano. On suivra ça en direct en France-Albanie. En direct et avec vous. Tous les soirs, hein, vous pouvez suivre l'Euro. Mais alors les matchs de l'équipe de France, vous les suivez encore mieux. Voici donc ce matin le réveil de star de Didier Deschamps qui va appeler un Pascal. Eh ben allez, on va voir ce que ça va donner. Allez. C'est l'heure de nous réveiller, l'heure de vous réveiller et l'heure de réveiller Pascal aussi. Pascal et Didier. Le réveil de star. Une star. Un appel. On écoute. Attention, c'est parti chez Pascal. Comment Didier? Je pense qu'il va être très bien accueilli après le match de vendredi. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va? La part de qui? Je suis l'entraîneur. Entraîneur de Loïc? Non. Ah bon? Tu fais partie de l'histoire du football français? Ah ouais? Moi, je suis Didier Azou. Champion du monde? Ah ouais, la Coupe du Monde. On l'a acheté. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière professionnelle. Bah oui, mais on l'a acheté quand même. Non. C'est plutôt, moi, je suis plus, la plus belle victoire, c'est 2000. Je m'attendais pas à ce que la place de sélectionneur soit libre, donc... Ouais, je crois, mais moi, bientôt, je vais y être aussi, sélectionneur, je vais prendre ta place. On peut discuter, mais au bout d'un moment, voilà, ça peut m'énerver aussi. Je peux être très dur. Ouais, je m'en doute. Je suis pas directeur du Club Med, hein. On n'a pas de leader, donc ça va. Moi, je considère que la notion de groupe est primordiale. Comme tous les cas à la Coupe du Monde, il y avait Zidane, Deschamps, le terrain, Lizarazu aussi en arrière. Hein. Je le surnomme Dieu. Ouais. Exact. Et puis, comment Laurent Blanc, il embrassait toujours le crâne de Barthez. Et oui. C'est un exercice où je peux y prendre du plaisir, des fois. Aussi, tu peux. Parce que c'était bien doux, sûrement. Efficace sans faire trop d'efforts. Non, parce qu'il était plus grand, hein. Oui. Eh oui. Pareil avec Zizou, si t'as le moyen, le duel d'hier, on fait sauter. Comme Zizou, coup de boule. Eux, ils sont pas prêts comme vous, les mecs. Je peux vous assurer que dans leur tête, ils sont persuadés qu'ils sont déjà qualifiés. Ah ouais. Ils sont pas prêts à faire la bataille. Ouais, la guerre. Allez, à fond. Salut. Champion du monde. Ouais. Allez, à plus. J'en ai rien à foutre. Champion d'Europe, hein, d'abord. Hein. Avant les champions du monde, on fera champion d'Europe. L'autre, il nous a rappelé toute l'histoire du football de l'équipe de France. Toutes les anecdotes. Le crâne de Barthez. Ah ouais, tu as la totale. Le coup de boule de Zizou. Et il se souvient même de Lizarazu en équipe de France. C'est pour vous dire que le mec a une mémoire quand même. Ouais. Parce que Lizarazu, il faut quand même s'en rappeler. Bah, il était tout petit. Il est toujours tout petit. Il n'avait pas grand-chose. Il n'avait pas besoin de cuir sur le terrain, mais il en a un maintenant. Il a son perfecto. Quand il est sur TF1, l'homme au perfecto. Bon, c'était Didier Deschamps pour réveiller les familles et Pascal ce matin, c'est ça, hein? Ouais, Pascal. C'est ça, Pascal, le grand je vais Pascal. L'appeler Pascal, le spécialiste du football. Ah, il connaît, hein. Combien il y a eu en France? 2-1. Bien, Cédric. Oh. Ouais. Vous avez vu, on a des spécialistes. Hein. Je ferai des interros à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, on aura vos places à vous filer tout à l'heure, vos places pour gagner les huitièmes, les quarts, les demi et même la finale. C'est dans le morning. Et bien, toute la semaine, c'est pour vous entre 6h et 9h. Il est 6h11. C'est le morning de Difool. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk, awake. Those who correlate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. We get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. Yo, I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some Gore-Tex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebie. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. Take it slowly. You can't run away from these styles I got. Oh baby, hey baby, 'cause I got a lot. Oh yeah. And anywhere you go, my whole crew gonna know. Oh baby, hey baby, you can't hide from the bag. Oh no. Ready or not, refugee taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock rasta. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from Lakai. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. You can't hide. Yo, nobody. Gonna find you. Note et ben on est ready pour une nouvelle semaine. Bonne journée à vous, il est 6h15, on va jouer dans un instant ensemble pour gagner de l'argent à gagner. Ah, du cash. Oui, du cash pour bien démarrer la semaine, c'est pas mal. Je vous ai parlé de vos places de foot à gagner évidemment. Et puis Rihanna, vous la chopez dans la roulette tout au long de la semaine. Merci pour les messages pour Fujis, ça vous a fait plaisir un petit Fujis le matin. On fait un petit coucou à Nico, on salue également Jamila qui nous a laissé un message. Bonjour Jamila. Il y a Ninou aussi, quelque très contente. Très contente, vous êtes plein à avoir laissé des messages. Ouais. Vous pouvez nous envoyer des messages, genre, je vous l'ai pas dit, mais sur le 41 759 à n'importe quel moment de l'émission. Si vous voulez faire les cons avec nous et si vous voulez gagner des cadeaux, puisque des cadeaux, il y en aura. Je vous ai parlé de Rihanna. Rihanna en concert, c'est dans moins d'un mois. Hein. C'est Riri. Ouais. Dans un mois, ça arrive au mois de juillet. Bah après l'euro. Juste après l'euro. Donc on va faire l'euro, on va finir l'euro, on va gagner l'euro. Ouais. Et juste après l'euro, il y a Rihanna qui débarque en France. Voilà le programme pour le début de l'été. Avec Skyrock, mais oui. Ça fait plaisir, un petit Riri à écouter tout à l'heure. Rihanna et Calvin Harris. Elle a pas fait de frasque ce week-end, Rihanna, tout va bien? Non, il y a encore Chris Brown qui s'est fait arrêter, je crois. Vous avez vu les nouvelles, oui. Alors Chris Brown, l'ex de Rihanna, mais alors qu'est-ce qu'il a encore fait? Alors pour une fois, c'est tranquille, il a tapé sur personne. Il était tellement défoncé qu'il a pu taper sur personne. Il s'est fait choper avec du cannabis au volant en Hollande. Ouais, oui, alors il roulait sur une moto qui n'avait pas de plaque d'immatriculation. Alors on va dire au guidon. En Hollande, puisque c'était plutôt, tu as raison, Manon. A priori, les plaques d'immatriculation avaient été arrachées. Le mec s'est tourné dans Amsterdam. Et puis, au bout d'un moment, et puis il a fait au flic. Vous voulez pas venir à mon concert ce soir? Je vous invite. Et les mecs, en fait, ils l'ont pas reconnu. Ils l'ont quand même connu d'abord. Ouais. Et bim. Hey, Chris Brown, it's me. You want to go to my concert? An amount. Et là, t'avais les Hollandais. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, oui, Chris Brown a eu quelques petits soucis ce week-end. Bah, enfin, bon, écoutez, tout va bien. Rihanna, elle va bien. Et sa tournée continue dans le monde entier.

non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman. Ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman. T'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman. Ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. J'crois que t'as besoin. T'aurais pas. Allons-nous-en. J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en nage. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir. Te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin, de repos. Allons-nous-en. Ouais, man, ça va? Je te rappelle après. J'ai plein de travail. Pardon. Le morning de Daddy Fool. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et vous êtes là avec nous. Bonne journée, bon réveil. Il y a Dimitri. Mais Dimitri qui est avec nous. Bonjour. C'est Dimitri Payet. Ouais, c'est lui. Eh bien, ça fait plaisir d'avoir Dimitri Payet si tôt ce matin. Allô, Dimitri. À Épinay sur scène, t'es sûr que c'est Dimitri Payet? Non, je ne crois pas en fait. Allô, Dimitri. Allô, Diffoul. Ah, mais tu n'es pas Dimitri Payet, Dimitri. Ah, mais non. Tu es Dimitri d'Épinay, toi, c'est ça? Bah ouais, j'aimerais bien avoir son oseille, mais non. Tout le monde aimerait bien, ouais. Oui, ah, tout ouais. Le monde, oui. En tout cas, il nous a marqué un beau but, Dimitri Payet. Ouais, bravo à lui. Bravo, Dimitri. Et bravo, Giroud aussi, qui a mis le premier, quand même. Et au bon moment, et c'est vrai, pour qu'il y en ait eu deux, il a fallu aussi le but de Giroud. Eh ouais. C'était les buts de l'équipe de France vendredi. T'as regardé le match, Dimitri? Ah, bien sûr. Tout derrière l'équipe. Comment tu les as trouvés, les Bleus? Bah, dans la difficulté, mais courageux quand même. Courageux dans la difficulté, bah, je trouve que tu as bien analysé ce match, c'est bien. Ouais, ils étaient fébriles au début, mais ça va mieux après. Alors, ils s'entendent bien, les Bleus. On a vu des photos sympas des Bleus à Clairefontaine, des Bleus qui s'éclatent dans leur chambre, des Bleus qui font des conneries. Bleus qui font du VTT hier. Oui, des Bleus qui font du VTT. Et il faut pas falloir faire du VTT, c'est dangereux ce genre de truc. Ah, je leur fais faire du VTT. Mais il va nous les casser, nos joueurs. J'ai vu ça aussi, je me suis dit, attention, ouais, Didier. Clairefontaine, ça pédalait sec. Fais gaffe. Bon, alors, on a posé une petite question. Eh ben, il y a Dimitri dans la réponse. Je vous ai demandé quels sont les deux joueurs qui s'étaient pris la tête à Saint-Etienne. Ah, il y a quoi? Il y a 5-6 ans, c'était en 2010, je crois. À Saint-Etienne, prise de tête entre deux joueurs, ils se sont réconciliés depuis. Mais de qui s'agit-il? Ils ont joué ensemble vendredi soir pour l'équipe de France. Alors, c'est qui? Ah bah, c'était Payet et Matuidi. Tu connais un petit peu l'histoire, Payet et Matuidi qui s'étaient pris la tête lors d'un match à Saint-Etienne. Ils avaient failli se mettre des coups de boule, hein, quand même. Ah ouais. Ils jouaient bien un petit peu. Mais ils jouaient pas dans la même équipe. Si. Ah oui, c'est pour ça, ouais. Ah ouais, ok. Donc, on va l'entendre dans l'équipe à l'époque. Heureusement qu'ils se sont réconciliés. Aujourd'hui, tout va bien. Payet et Matuidi, ouais, s'étaient pris la tête. Et pour toi, Dimitri, ça fait 300 euros. Voilà, Dimitri. Une question qui vaut 300 euros. Maintenant, il faut les garder, les 300 euros, car on joue au chronotune. Je vous l'ai dit, le chronotune, faut aller plus vite que le chrono. Attention. Le chronotune. Tu sois plus rapide que le chrono et empoche la thune. Et là, tu te dis, Diffoul, il va poser une question footballistique. Eh bien non, pas du tout. Eh bien non, pas du tout. Une question géographique. Dimitri Payet qui vient de l'île de la Réunion. Bien, Carayon. Bravo. Mais quelle culture! Elle est forte, ouais. Elle connaît son privilège de paillettes. Elle a dit au pif. Il vient de l'île d'Oléron, tiens. Non. Eh bien, justement, je vais te demander 6 îles françaises. 6 ou 5? Pourquoi j'ai demandé 6? Ouais, 5. Attends, 5 et chaque seconde, on enlève 10 euros. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit 6. Chaque seconde, 10 euros. Okay. Eh bien, j'ai dit 6 parce que je pense qu'on va gagner 6-0 notre prochain match. Sûrement. Ah ouais. Je viens d'avoir une vision pronostiquistique. Ah ben, il faudrait, ce serait bien. Bon, allez, 5 îles françaises, dépêche-toi, Dimitri. Allez, top chrono, c'est parti. Île de Ré, Bora Bora. Non, elle n'est pas française. Bora Guyane, Bora. Martinique. Ouais. Tahiti. Tahiti. Seychelles. Non, l'échelle, non, c'est non, pas bon. Les échelles non plus. T'as dit. Mont-Saint-Michel. T'as dit Martinique. Le Mont-Saint-Michel. C'est une île. Mont-Saint-Michel. Ouais, de temps à autre. Allez. Allez, on va bien. Ouais, quand il y a la marée qui monte, on va dire c'est une île, le Mont-Saint-Michel. Mais c'est parce qu'on est bien gentil. Mais t'as dit Martinique, fallait dire Guadeloupe. Eh ben oui. Eh oui. La Corse. Ah, j'avais pas dit. Je crois que j'avais dit Martinique. L'île de Léron. L'île de Léron. L'île de Porquerolles. Eh voilà, exactement. Allez, on. Belle-Île en mer, Marie-Galante. Voilà. Bon, bien joué Dimitri, bon. Tu as la bonne réponse. Il reste 8 secondes, ça fait 80 euros. Bip bip. Hey, c'était limite Dimitri, mais on y est arrivé. C'était chaud. Tu repars avec ton chèque. Et oui, t'entendais une question footballistique, mais je suis toujours là pour vous piéger, attention. Mais quel piégeur. Quel joueur. Oui. Dimitri, c'est bien, on souhaite bonne chance à nos bleus pour cette semaine. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis on souhaite une bonne semaine à toi et on t'envoie tes 80 euros à Épinay-sur-Seine, Dimitri. Merci l'équipe. De rien, et tout à l'heure, vos écrans à choper, vos télés à gagner, la nouvelle Samsung Ultra HD Smart TV. C'est elle qu'on 4K. Va vous offrir. Et oui, c'est elle. Et on vous l'offre dans moins d'une heure. La toute nouvelle Samsung à gagner, on jouera à Info Mytho, ce sera à 7h20 tout à l'heure. Allez, t'es 80 euros en poche. Tu y vas, Dimitri, bonne journée à toi. Salut Dimitri. Merci Gifoul, salut tout le monde. Salut ciao, Dimitri. Ciao. Un des prénoms à l'honneur, en plus, chez nos bleus. Dimitri à 6h28 et Jeezy et les infos avec Rémi, il n'y a que des i sur Skyrocky. Oui. Je m'appelle Jeezy, le matin j'écoute Skyrock. The morning show. Bah nous, si le matin on se réveille avec Skyrock et avec Me, Myself and I maintenant sur Skyrock. Et la Guyane, c'est pas une île. Ah ouais, il a dit Guyane. Stop. Oui. Tu vois, on est gentil, on va te laisser tes 80 oui, euros oui. Quand même. On est sympa, ouais. Tu as dit Guyane, il y a personne qui a percuté que t'as dit Guyane. Ah oui, c'est vrai. Allô ouais. Ah, c'est oui. Vrai, la Guyane, c'est pas une île. Et merci. Non, c'est pas une île. Merci Dani, qui est par exemple. Ah ouais. Non, on te laisse 80 euros. Ouais, parce qu'on est. Merci. On est sympa. Heureusement que vous êtes là, les auditeurs. Merci Dani, merci Tino, merci Click et merci à vous. Et c'est donc reparti pour Jeezy, Me, Myself and I, maintenant sur Sky. Ce coup-ci, on va jusqu'aux infos avec Jeezy. C'est bon, ouais. Allez, c'est parti. Just me, myself, and I. Solo ride until I die. 'Cause I got me for life. Yeah. Woo, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tricks, but it's modesty. I just need space to do me, get away what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. 'Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. 'Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. I'm swimming in money, swimming in liquor. My liver is muddy, but it's all good. I'm still sipping this bubbly. This lovely, this ain't random. I didn't get lucky. Made it right here 'cause I'm sick with it, Cuddy. They all take the money for granted, but don't wanna work for it. Tell me now, isn't it funny? Nah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. 'Cause I got me for life. Got me for life. Me, Myself and I, c'était Jeezy sur Skyrock. Bonne journée, bon réveil, il est 6h31. Vos places de foot à gagner tout à l'heure pour aller voir un match des Bleus Je vous donnerai le match des Bleus d'ici une petite demi-heure. On jouera avant 8h du matin, c'est promis. Allez, avant 8h, vos places à gagner pour aller voir l'Euro. C'est seulement sur Skyrock avec le Crédit Agricole qui vous enfile 200 des places. 200 places à gagner, il y en a deux pour vous ce matin. Restez bien dans le coin, on trouvera une petite question pour tout à l'heure. Petite question à laquelle il faudra répondre. La roulette tournera avec Rihanna. On écoutera d'ailleurs Rihanna avant 7h du matin. Elle sera là pour le son avec Calvin Harris. This is what you came for. Et dans un instant, Justin Timberlake. Parce que ça, ça sent l'été, ça sent la fête. Et là, ça sent Rémi, c'est les infos. Allez, c'est parti pour les infos. Ça sent bon alors. Oui, c'est vrai. Rémi sent bon tout le temps. Les infos, c'est parti à 6h32. On va commencer par la météo pour aujourd'hui. C'est parti pour la météo. Et une météo qui va pas nous réserver que du soleil cette semaine. Hein. Non, pas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore agité sur le nord, le centre et l'est avec alternance d'averses, d'orages et d'éclaircies. Ce sera plus calme et plus ensoleillé dans les régions du sud, des Pyrénées au pourtour méditerranéen. Les températures pour ce matin dans le nord comprises entre 11 et 15 degrés. 13 à Lille, 15 à Paris, de 12 à 19 dans le sud, 14 à Lyon et 19 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 17 à Caen, 18 à Lille et à Rouen, 19 à Chartres, 20 au Mans et à Paris, 21 à Strasbourg, 24 à Lyon, 26 à Marseille et 28 du côté d'Avignon. Et puis la pollution, c'est plutôt bon. Les indices sont compris entre 2 et 4. Ça monte à 5 sur Toulon, Nice et Ajaccio. Et le point sur l'actu, toute l'actu et évidemment tout le sport, évidemment l'euro. C'est la pire tuerie sur le sol américain depuis les attentats du 11 septembre. 50 morts, 53 blessés. Dernier bilan de la tuerie dans une boîte gay d'Orlando aux États-Unis dans la nuit de samedi à dimanche. La piste terroriste se confirme. Le tueur Omar Mateen, un américain d'origine afghane, est âgé de 29 ans. Il a prêté allégeance à l'État islamique quelques minutes avant son crime en appelant les secours au 911. Daesh a revendiqué l'attaque hier soir, mais les autorités américaines restent prudentes. L'auteur qui a été tué pendant l'assaut des forces spéciales avait déjà été entendu sans suite par le FBI dans le passé. Un autre homme lourdement armé a été interpellé à la Gay Pride de Los Angeles. Ce qui est désormais certain, c'est que cet acte va avoir des conséquences sur l'élection américaine. Un meeting commun entre Barack Obama et Hillary Clinton a été annulé. Le président américain qui dénonce un acte de haine et appelle à encadrer une nouvelle fois le commerce des armes à feu. Donald Trump, le candidat républicain, appelle à sa démission. La Russie et l'Angleterre menacées d'être virées de l'euro. L'UEFA monte le ton après les violences de ce week-end à Marseille. Un supporter anglais est toujours entre la vie et la mort. Les autorités craignent désormais que les Anglais et les Russes se croisent à nouveau entre Lille et Lens. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, souhaite interdire l'alcool dans les périmètres sensibles. En gros, autour des stades, les veilles et les jours de match. Une demande a été faite au préfet pour prendre des arrêtés. Le début d'une semaine agitée sur le plan social. La loi travail arrive au Sénat et les syndicats ne veulent rien lâcher. Grosse journée de mobilisation nationale prévue demain à Paris. Encore quelques raffineries sont à l'arrêt. La grève des éboueurs se poursuit. Ça continue aussi à la SNCF. 6 Transiliens sur 10, 1 Intercité sur 2 et 9 TGV sur 10 prévus pour aujourd'hui. Enfin, rien à voir avec la loi travail, mais le mouvement perdure chez Air France. Un avion sur 5 devrait rester cloué au sol ce lundi. Passer son code de la route à la poste, ça y est, c'est possible. Le décret entre en vigueur à partir de ce matin. Le nouveau dispositif est disponible dans une dizaine de locaux. Plus de 300 centres seront ouverts d'ici la fin de l'année. Le coût pour le candidat s'élève à 30 euros et les salariés concernés ont tous reçu une formation. L'objectif est d'accélérer les délais pour les candidats. Allez, retour au foot. Les résultats de l'Euro d'hier et les Bleus à l'entraînement hier aussi. Ouais, l'Allemagne en rodage hier contre l'Ukraine. La Mannschaft championne du monde s'impose 2-0. Victoire pour la Pologne 1-0 contre l'Irlande du Nord et même score en faveur de la Croatie contre la Turquie. À suivre aujourd'hui à 18h, l'entrée en lice de la Suède avec Zlatan Ibrahimovic contre l'Irlande du côté de Saint-Denis. Plus tôt, ce sera la République tchèque qui défiera l'Espagne à 15h sur Toulouse. Et puis à 21h, l'affiche oppose la Belgique à l'Italie du côté de Lyon. Pogba ménagé hier à Clairefontaine. Les Bleus se sont légèrement entraînés hier en fin d'après-midi. Pogba a eu le droit à une séance individuelle en salle. Koscielny et Matuidi ont juste fait l'échauffement avant de rentrer au château. Pas vraiment d'indication pour le match de mercredi contre l'Albanie. La distribution des chasubles a permis de constater que Didier Deschamps avait gardé son ensemble défensif avec Sagna, Rami, Evra et Kanté. Griezmann, Giroud et Martial étaient réunis en attaque. Je croyais que tu nous allais nous parler d'un truc de mode. Didier Deschamps a gardé son ensemble. Son ensemble bleu et bleu. Magnifique, magnifique ensemble Didier Deschamps. Défensif. Regardez-le, regardez-le. Il défile. Il est là. Le beau Didier. Merci pour les infos Rémi. On t'en trouve tout à l'heure à 7h pour la suite. Il est 6h36 sur Skyrock. Bonne journée, bon lundi. 6h-9h. C'est parti pour le morning de Difool. Difool, The morning show. Le morning de Difool. C'est tout de suite sur Skyrock. Et en direct jusqu'à 9h avec vos places de foot, avec vos places pour Rihanna aussi à choper et vos 1500 euros. Je vous ai pas encore parlé des 1500 euros, mais dans une demi-heure, ça arrive. On vous appelle à la maison, vous répondez Skyrock et c'est 1500 euros dans la poche. Et ben oui, ouais. Il est 6h36, juste après les infos de 7h. Et bien, on vous appelle et on vous offre de l'argent. Faut répondre Skyrock quand on vous passe un petit coup de fil. C'est facile et dans ce cas-là, on crie, on est content et on vous envoie votre chèque à la maison. Oui. Bravo. Champion, mon frère. Et on peut dire champion, mon frère. Dans un instant, on va parler d'un truc qui préoccupe les Français. Alors, c'est pas l'euro, parce que c'est vrai que ces temps-ci, c'est 13 euros, mais c'est les téléphones. Les téléphones nous préoccupent, normal. On passe une semaine avec notre téléphone, ou dans les mains, ou à l'oreille, ou les yeux rivés dessus. Ouais. Donc, en gros, une semaine sur 7 jours, quand même, c'est pas mal. Hein. Une semaine une journée par jours. Non, une journée par semaine. T'as eu peur, Cariole, hein. J'ai compris, une semaine par. Par semaine. Par jour, ouais. Non, c'est une journée par semaine qu'on passe sur notre smartphone. Ouais. Ah ouais. Le smartphone fait peur aux Français. On va faire un petit tour du côté d'un sondage aujourd'hui. Le sondage qui fait peur. Avez-vous peur des ondes? Et on va savoir si les Français ont peur des ondes, des téléphones. Moi, c'est oui. C'est une grande question. Tu vois plein d'études. T'en as une qui te dit, oh, bah, c'est pas risqué. T'en as une autre qui sort la semaine d'après qui te dit, oh, bah, écoute, ça va te bouffer le cerveau. Eh bien, Cédric, je crois que tu utilises beaucoup ton téléphone. Oh, pas tant que ça. Et j'ai la preuve ici que les ondes du téléphone sont dangereuses. Regardez dans quel état ils lui ont mis son cerveau à Cédric. Non, ça va. Ça va. Heureusement que tu ne t'en rends pas compte, Cédric. Ça, c'est au moins, c'est l'avantage. C'est quand ça te bouffe le cerveau, t'as même plus de cerveau pour t'en rendre compte. Donc, est-ce que ça vous fait flipper, vous? Tiens, dites-nous. Vous le mettez où, votre portable? Moi, il est toujours à côté de ma tête, par exemple, quand je dors. Bah non. Faudrait peut-être faire attention, on sait jamais, ouais. Moi, c'est sur la table de nuit, un petit peu plus loin. Oui. Par contre, celui de Romano, c'est sous le coussin. Ah, il faut qu'il l'éloigne ouais, un peu. Toi aussi, Cariole, éloigne encore un petit peu, on sait jamais. Faut préserver vos cerveaux, ils sont tellement efficaces, les cerveaux de l'équipe. Hein, c'est déjà remarqué. Ah, oui. Bon, dites-nous si vous stressez des ondes de téléphone. Mm-hmm. Ou alors, si vous êtes comme moi, vous dites, bon, advienne que pourra, on verra bien. Hein. Mais oui. Tu connais l'expression advienne que pourra? Ben oui. Une vieille expression qu'on... Non, je connais, ouais. C'est bien, vous voyez que le cerveau de Cédric n'est pas complètement endommagé ce matin. J'ai déjà entendu quelque part. Bon, on va reparler d'ici quelques instants. Et on file chez les Français, on a un French test de prévu, là. On se prépare. Prépare-moi des numéros, Cédric. Allez, vas-y. Le French test arrive, il est 6h38. Et on vous souhaite une belle journée. Avec vos téléphones, vous en aurez besoin ce matin, je vous l'ai dit. Hein. Les 1500 euros, votre télé à choper, plus les places pour Rihanna et les places pour l'euro. C'est au réveil et c'est dans le morning sur Sky. Le morning de Difool. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et Justin Timberlake pour se réveiller tout de suite. Une découverte Skyrock. Mais oui, vous l'avez découvert dans le morning en plus. Le nouveau. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. When we move, well, you already know. So just imagine. Stop the Feeling sur Skyrock. On écoutait le son de Justin Timberlake pour se réveiller ce matin. Et on va parler des dangers du téléphone. Alors, vrai ou pas vrai, ça dépend des études. Alors, quand l'étude elle est commandée par Samsung ou par Apple, il n'y a aucun danger à utiliser vos téléphones. Ah bah évidemment. Vous pouvez même vous les mettre, vous les enfoncer à l'intérieur du cerveau. Jamais ça vous détruira le cerveau. Ah, limite en prendre deux. Oui, limite même. Ah ouais, ça vous met des ondes et tout. Super. Par contre, quand tu vois certaines autres études qui sont faites par des laboratoires médicaux, tout ça, tu te dis, c'est peut-être dangereux les ondes des téléphones. Mais en fait, je pense qu'ils en savent pas grand-chose. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je pense qu'en fait, ils en savent rien. Bon, peut-être que dans 10 ans, on apprendra qu'on sera tous débiles à cause des téléphones, que ça nous aura broyé le cerveau, mais... Ouais, ou on aura, je sais pas, des espèces de maladies, des trucs qui vont pousser. Ah, bras qui poussera sur le front. Voilà. Eh ben oui, c'était radioactif. Ouais, ouais, diront, ouais. Bon, est-ce que c'est dangereux les téléphones? Bon, moi... Moi, je pars d'un principe, le téléphone... On dit les ondes, mais bon, quand t'es chez toi ou dans un immeuble, par exemple, les ondes Wi-Fi de tous les voisins et tout ça, t'en prends plein la gueule. Ah c'est vrai, ouais. C'est vrai. D'ailleurs, on va couper les téléphones chez les familles. Je vous annonce tout de suite le French test du jour. Ah, voilà. On va préserver la santé des familles de France. On va les appeler, leur expliquer. Romano, tiens, tu seras technicien téléphonie. D'accord, pas de problème. Que tu arrives chez eux et que on va couper le téléphone dans tout le quartier. C'est trop dangereux pour la tête. Ouais, c'est ça. Il faut faire des travaux, tout ça. Voilà. Faut mettre aux normes, faut couper, quoi. Bon, c'est ça qu'on va faire. Mais, qu'est-ce qu'on ferait sans téléphone aujourd'hui? Si on nous expliquait que c'était dangereux, les ondes, on couperait les ondes des téléphones? Comment on ferait pour s'appeler après? Si on coupe, on s'appellera plus. Et comment on irait sur le net après avec son téléphone? Voilà, j'achèterai un pigeon voyageur. Tu achèteras un pigeon voyageur, mais c'est une super idée, Cédric. Tu pourrais faire également des trucs de fumée, tu sais, comme les Indiens avant. Ouais, c'est ça. Voilà, tu fais un petit feu, des signaux de fumée. Tu fais bien l'Indien, Romano. Ah, c'est vrai. Ouais, grave. Il y a 4 Français sur 10 qui ont peur de leur téléphone portable. Ils sont préoccupés à 40%, les Français. À 40%, on leur pose la question. Il y en a 4 sur 10 qui te disent « Oh là là, c'est dangereux le téléphone ». Il y en a quand même 6 sur 10 qui en ont rien à foutre. Ouais. Il y a des coques spéciales qui existent. Des coques? Tu parles du mari de la poule? Non, des coques de téléphone. Oh. C'est qui, soi-disant, coupe les ondes. C'est mieux, parce que imagine, tu te balades avec un coq qui est sur ton téléphone. T'as pas l'air, c'est pas pratique. Oui, puis il faut l'apprivoiser, tout ça, c'est compliqué. Difficile. Oui, les coques de téléphone anti-rayonnement, c'est ça que tu veux? Ouais, je sais pas si ça marche bien, mais bon. Du coup, tu captes plus après. C'est vrai, ouais. Non, mais ça dégage plus d'ondes autour de l'appareil. Ou alors, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut plutôt utiliser un kit Bluetooth ou. Oui, c'est ce que vous nous avez dit. Des oreillettes plutôt que de l'avoir directement à l'oreille. Ouais. Tiens, vous a demandé votre avis là-dessus. Il y a Blue qui dit: moi, j'évite de le mettre près de mes couilles. Il paraît que ça rend les hommes infertiles. À ce qu'il paraît, ouais. Il paraît, ouais. Il y a ça aussi. Il y a pas que le cerveau, il y a aussi les coucouilles. Ah, bah tiens, Yanas. Moi, j'ai acheté une oreillette Bluetooth sur Groupon. C'est dur, c'est Made in China. Dès que je dépasse 5 minutes d'appel, j'ai une migraine de folie. Du bon matériel. Il y a le téléphone et l'oreillette qui va avec. Merci à toi, Anas. Et le téléphone, moi, je le mets sous le coussin de mon oreiller. Ma mère me dit que c'est dangereux, mais bon, comme ça, je l'entends. Et puis, je n'arrive pas à dormir sans mon téléphone. C'est Ilyes qui nous a laissé le message. Bon, on a des familles à appeler, Cédric. Ouais. Alors, attention, moi, je suis technicien. J'arrive avec ma pince coupante, je coupe les câbles. Ouais. On va expliquer aux gens qu'ils n'auront plus de téléphone aujourd'hui. Trop dangereux, le téléphone, pour le cerveau. Le French Test sur Skyrock. Alors, c'est parti. On va chez Lionel. Lionel. Ouais. On va lui annoncer la bonne nouvelle. Romano, donc, tu es petit technicien ce matin. Le technicien télécom. Technicien télécom. Je touche les câbles. Aïe. Ah oui. T'es un bon technicien, toi, dis donc. Ah ouais, bah j'ai maquillé ça outil. Allô. Oui, allô. Allô. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, c'est l'entreprise de téléphonie au téléphone. Oui. Je vous appelle quand on est en train d'effectuer des travaux dans votre quartier, là, pour toute la journée de ce lundi, là. Oui. Ah, au moins, chef, au moins. Ah, je vous passe le technicien qui va vous expliquer comment ça va. Il marche encore votre téléphone, puisqu'on arrive à vous joindre. Oui. Eh bien, profitez-en. Viens voir. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je suis technicien télécom. Donc, c'était pour vous annoncer, là, on va vous couper le téléphone vers 7h ce matin, là. D'accord. Voilà, et il sera remis peut-être d'ici 3-4 jours, minimum. Ah bon? Ah ben oui. Donc on coupe le fixe et le portable parce qu'avec les ondes. Bien sûr. Ah ben c'est pas bon pour la tête. Hein. Regardez, je touche les câbles. Ouais. Et regardez, c'est pas bon pour la tête. Moi je touche le crâne de notre technicien télécom qui travaille dans les ondes depuis tout petit. Bien sûr, c'est quoi cette blague? Non, écoutez. Il chauffe. Voilà. Les cheveux. Quand touche la tête, ça m'éclaire. Les cheveux sont tombés. Ah, tout tombé, madame. Donc on coupe, hein. pendant 3-4 jours. Après, vous aurez à nouveau le téléphone. Oh, c'est bien pour se déshabituer un peu, se désintoxiquer. Vous avez vu, elle a raccroché, elle s'est dit, ils ont raison, c'est dangereux. Ouais, je m'en vais tout de suite. C'est ça. C'est qui tu vas? On file chez Jean-Claude. Jean-Claude. Lui aussi, alors, même combat pour Jean-Claude, on va lui couper le téléphone. Ouais. Les cheveux, peut-être. N'importe quoi. Ça, j'allais hop. Rien à voir. Mais pourquoi tu veux lui couper les cheveux? Moi, j'ai une passe. Allô? Oui. T'es jaloux? Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui. Oui, l'entreprise de téléphonie, on est en train d'effectuer des travaux dans votre quartier, hein, sur les téléphones. Oui. Et donc, on vous annonce que le téléphone sera coupé à partir de quelle heure ce matin? À partir de 7 heures, chef. Dans 12 minutes, à partir de 7 heures, on vous coupe le téléphone, hein. Ah oui? C'est juste pour des petits travaux de mise à niveau parce que on a remarqué les ondes, c'est dangereux. Alors, une petite question, monsieur, je suis le technicien. Votre téléphone, il marche actuellement, là? Bah oui, puisque vous êtes au bout. Ah bah oui, bah alors mettez-lui des chaussures. Eh bah oui. Eh bah ouais, parce que le téléphone, ça fait des trous dans la tête, on oublie de lui mettre des chaussures quand il marche. Ouais, mettez-lui bah des baskets ou des claquettes s'il fait beau aujourd'hui. N'importe quoi. Bon, allez, salut. Bah ouais. Puis je viendrai vous couper les cheveux avec ma passe coupante. Pourquoi tu veux lui couper les cheveux? Des jaloux, des gens qui ont des cheveux, bah ouais, grave, hein, quand même. Je sais pas, j'ai envie d'en récupérer ce matin. Bah écoute, si tu veux, on fera. Cédric, tu veux pas qu'on trace? Non, ça va aller. Mais tu veux les cheveux de Cédric? Non, c'est sûr, pour un tapis éventuellement. Pour un tapis, mais un tapis de toilette. Pour faire tomber la gougoute de pipi. Voilà. Ils seront très bien pour ça là. Non, parfait. Bon, bah, on vous tient au courant sur les téléphones. En tout cas, pour l'instant, on n'a aucune preuve que c'est dangereux, aucune preuve que ça ne l'est pas non plus. Hein. Oui, bon, attention quand même. Bon, bah, utilisez-les, ça peut vous servir si vous voulez faire les cons avec nous. Tiens, on va vous poser une petite question, on va faire un petit sondage express. Et dans un instant, on va vous donner les résultats d'un grand sondage européen sur l'Euro 2016. Ah, bah, oui, bah, oui, l'Euro. Forcément, ouais. On y revient. Quelles sont les équipes qui, d'après les Européens, vont gagner l'Euro? J'ai le classement à vous donner, c'est le sondage du jour. C'est les équipes favoris, hein, les équipes qui devraient gagner l'Euro, exactement, les favoris de l'Euro. C'est qui? Vous saurez tout dans un instant sur Skyrock, restez bien avec nous. Et puis tiens, si vous avez une équipe que vous avez trouvée particulièrement en forme, vous avez regardé, je sais pas, la Pologne, vous avez regardé la Croatie, l'Allemagne. Allez les Bleus, vous avez regardé les Bleus aussi. Bleus, évidemment. Ouais. Dites-nous quelle est l'équipe qui, d'après vous, devrait gagner l'Euro. En attendant vos pronostics sur le 41-759 et sur l'appli Skyrock. Et on salue les techniciens télécoms qui nous écoutent. Salut les techniciens. Bonjour à Tobal qui vient d'arriver. Salut à toi Tobal. Il y a aussi Tony Danza. Ouais. Ah bah moi je sais également Pierrot également qui est technicien du côté des Alpes-Maritimes dans le 06. Technicien téléphone. Bon, bah vous prenez vos petits portables, vous nous envoyez vos messages au 41-759. Votre équipe favorite. Vous nous dites eux. On dit c'est favorite ou favori? Favori. Merci, merci Cariole. Cariole est notre puits de savoir, notre puits de science. Ouais. C'est vrai. C'est notre Larousse. Ouais. Voilà. Merci. Allez, 6h50. Dans une minute, l'horoscope. Et puis les Fifth Harmony qu'on écoute sur Skyrock. Il y aura aussi du Rihanna avant 7h. Je Jardine, c'est la toute nouvelle appli gratuite pour créer ton potager sans prendre la tête. Je Jardine, c'est des vidéos pour t'aider à planter des légumes chez toi. Sur Je Jardine, tu visualises ton plan de potager, tu reçois des alertes quand il faut arroser ou récolter et tu partages tes plus belles photos avec tes nouveaux amis jardiniers. Je Jardine est disponible gratuitement sur iPhone et Android. Télécharge maintenant pour profiter de ton cadeau de bienvenue. Je Jardine est une initiative du Crédit Agricole. Maman, tu me racontes une histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. C'est quoi? C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Bah, tu lui racontes quoi, là? Une belle histoire. Ah, oublie pas celle du pneu Continental 16 pouces à 69€ seulement. Ah, si toutes les histoires finissaient aussi bien qu'une offre Volkswagen. En ce moment, pour 4 pneus achetés, on vous offre le maillot des Bleus. Prenez rendez-vous sur volkswagen.fr/RDV. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 13 juillet chez les partenaires participants. Conditions sur volkswagen.fr. Maillot offert pour 1€ de plus. Et l'horoscope, c'est parti tout de suite, on y va. L'horoscope de ce lundi. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et vos puissances amoureuses sur une échelle de 0 à 5. On va commencer par les poissons et les scorpions qui démarrent en bas de l'échelle cette semaine. 0, vous avez 0 sur 5. Célibataire au couple, vous ne serez pas vraiment sur la même longueur d'onde que tous ceux qui vous entourent aujourd'hui. Bon, ça devrait s'arranger dans la semaine, mais bonne journée de lundi quand même. Ouais. Les poissons et les scorpions, 0, 1 sur 5. Les lions et les balances, être un peu possessif, bon, c'est pas mal. Mais quand vous êtes beaucoup trop, comme vous le serez aujourd'hui, ça risque d'être un peu lourd pour ceux qui vous entourent. Bon courage à eux et bon courage à vous les lions et les balances. 2 sur 5, les capricornes et les gémeaux. Une journée plutôt calme dans la vie affective. Profitez-en pour faire avancer tous vos projets dans tous les 12 domaines. Aujourd'hui, les capricornes et les gémeaux, 2. Bah c'est bien, c'est pas mal. On fait avancer le reste. C'est pas mal. C'est pas mal, oui. 3. Bon, ça c'est mieux, c'est pour les billes. Moi j'aime pas avoir 2, j'aime bien avoir 5. Oui, bah ça forcément tout le monde. Hein. Bon, 3 sur 5, c'est pas mal, 3 sur 5. C'est pour les béliers, les taureaux, vous êtes d'humeur romantique aujourd'hui. C'est une belle journée qui s'annonce et vous allez même surprendre ceux que vous aimez, ceux qui vous aiment. Bélier, taureau, 3, 4, les versos et les cancers, c'est encore mieux. Mmh. Vous aurez l'art et la manière d'être au bon endroit et au bon moment. En gros, vous aurez beaucoup de chance aujourd'hui en amour et dans le reste de votre vie aussi. Et pour finir, il nous reste les Vierges et les Sagittaires. Mais oui, vous avez 5. Waouh. Tout ce que vous voudrez, ou presque, vous l'aurez, ou presque. Amour, bonheur, passion, bref, une journée de rêve. L'amour frappera à votre porte aujourd'hui. Les Vierges et les Sagittaires, vous avez 5 sur 5. Une bonne journée, un bon lundi. Et dans un instant, les pronostics des Européens. Qui va gagner l'euro? On vous dit tout sur ce Allez rock. Les Bleus. Oui. The Morning Show. It's Fifth Harmony. Fifth Harmony. The Morning Show on Skyrock. I worry about nothing. I am wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired. I know you're all. But you gotta put in work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby. Can you make it clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it right like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' do, she finesse. I fight both, she take that. Put in overtime on your body. You ain't gotta go to work, work, no. Work, work, work, work, but you gotta be alone. Bon lundi avec Skyrock et belle semaine de football qui démarre. Une belle semaine de pluie aussi, enfin presque pour tout le monde. On en reparle dans un instant avec les infos de Rémi et la météo pour aujourd'hui déjà. Ouais. Je veux dire, ça va suffire au niveau de la pluie pour aujourd'hui. Oui, je pense qu'on va être servi. Voilà, on aura le temps d'en reparler tout au long de la semaine. Et une pluie de buts, c'est ce qu'on souhaite pour nos bleus. Allez les bleus, Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Et ce bien matin, sûr. On vous offrira vos places. Les places à gagner pour aller voir les huitièmes, pour aller voir les quarts, pour aller voir les demi. Et même la finale, c'est sur Skyrock que ça se passe dans le morning. Soyez là entre 6h et 9h, hein, tous les matins. tout au long de la semaine vos places à gagner. Qu'est-ce qu'on vous offre comme place ce matin? On verra ça tout à l'heure, je vous en parle juste après 7h. Ouais. Et sinon, voici le classement des équipes qui sont favoris en Europe. Alors, vous avez laissé plein de messages. La France, la France, la France, c'est bien. L'Italie, Chris. Ah ouais, Chris. Je pense que tu risques d'être déçu par les Italiens. Enfin, on verra. On sait jamais. Tout peut arriver dans l'Euro. Vous avez vu. Hein. Ouais, bah oui. Ce serait le Portugal ou la France. Ah, j'ai vu les Portugais qui étaient déchaînés ce matin. Les Portugais de Cristiano Ronaldo. La Suisse pour Linette. La Suisse en finale. Mais non, pas la Suisse, parce que la Suisse, on va jouer contre eux là d'ici la fin de la semaine. Il y a pas mal de Portugal. Hein. Et j'ai vu les Portugais. Ah, vive un Portugal. J'ai même quelques messages de l'Algérie. Alors pour le classement des Européens, oui, alors, l'Algérie, on l'attend un petit peu peut-être bientôt. Ah, c'est la grosse surprise hein, s'ils gagnent. Hein. Oui, ce sera vraiment la surprise de l'Euro, l'Euro 2016. Bon, le classement. Selon les Européens, dans tous les pays d'Europe, il y a une question qui a été posée. Qui est favori de l'Euro? Eh bien, on arrive premier. Les Français. Pourquoi? Parce qu'on est le pays organisateur. Ouais, il y en a plein qui disent ça. Ouais. Puis parce qu'on est une équipe jeune en devenir et que l'équipe s'entend plutôt pas trop mal et qui joue bien. Allez les Bleus. Donc on est les favoris. Vous imaginez, la France favori de l'Euro, on n'y croit pas. Hein. Eh bien, pourtant, c'est vrai, c'est vrai. Deuxième, juste derrière nous, les Allemands. Qui ont joué hier et qui ont gagné d'ailleurs hier les Allemands. Troisième. Gagné combien? 2-0. 2-0. Ouais, 2-0. C'est eux qui ont fait le plus gros carton de cet Euro parce que c'est assez serré les matchs hein, pour l'instant. Ouais, c'est, le plus gros c'est eux état, qui ont fait la plus grosse différence de but. Ouais. Troisième, les Belges, Cédric. Eh oui, allez les Diables Rouges. Allez les Diables Rouges. Ah, putain, j'ai cru que tu ne souvenais plus le nom de l'équipe. Ouais, allez les Blancs. Bon, ouais, je vais dire les Bleus. Non, les Bleus, c'est doux. Bah, c'est le reste. Quatrième, les Espagnols. Et cinquième, les Anglais. Un petit peu décevant hier, les Anglais qui ont fait match nul. Ouais, ils ont joué samedi, ils ont fait un partout. C'était samedi. Ouais. C'est très bien. Eh bien, c'est match nul quand même. Donc, pour les équipes favoris, donc les Français, premier, deuxième les Allemands, troisième les Belges, quatrième les Espagnols, cinquième l'Angleterre, les Portugais sont sixième. Ah, ben voilà. Voilà pour le classement, en tout cas. Bon, l'essentiel, c'est que la France soit premier, et puis voilà. Classement des Européens. Ben, on espère qu'ils auront raison. Ouais, on est d'accord avec les Européens. Allez les Bleus, allez la France, vive l'Europe, vive l'euro. Et puis, bonne chance pour les 1500 euros, tiens. Parce que nous, on a des euros, on a l'euro à vous offrir avec des places, mais également des 1500 euros. Pour vous, ça sera juste après les infos et juste après Rihanna. On écoute Rihanna et Calvin Harris tout de suite sur Skyrock. C'est parti pour This is what you came for, une découverte Skyrock. Dans une minute. Pour partir tranquille cet été, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare si c'est possible. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement gratuit au badge télépéage, valable sur toutes les autoroutes de France. Profitez-en. Carglass répare, Carglass remplace. Offre jusqu'au 2 juillet, conditions sur carglass.fr. Concert. En 2017, les numéros 1 choisissent encore Skyrock pour leur concert en France. Soprano. Yeah, c'est Soprano. Un concert avec Skyrock. Le 30 septembre 2017, à l'Accor Hôtel Arena de Paris. Et le 7 octobre 2017, au nouveau stade Vélodrome de Marseille. Soprano. Soprambaba. De Paris à Marseille, en concert Skyrock. Plus d'infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Skyrock, promets sur Soprano. Avec les offres Trilogie, vous avez 3 bonnes raisons de rouler enfin en BMW. Un taux de financement exceptionnel, 3 ans d'entretien offert et la garantie étendue à 3 ans pour 1 euro de plus. Uniquement sur des occasions sélectionnées par votre concessionnaire BMW. Offre Trilogie jusqu'au 18 juin chez votre concessionnaire BMW Premium Sélection. Offre limitée à 300 dossiers. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Financement de 12 à 48 mois sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Voir conditions sur bmw.fr. Le morning de Diffoul. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Il est 7h du matin et attention, elle arrive. Rihanna sur Skyrock avec Calvin Harris, on vous l'a promis. Dans un instant, on la retrouve avec This is what you came for et vos places de concert à gagner aujourd'hui dans la roulette. Et toute la semaine, j'entends Rihanna qui chante très bien d'ailleurs. Est-ce que dans un instant, elle pourrait nous le chanter en live? Oh, yeah. No problem for Skyrock, it's okay. Merci Riri. Rihanna, Calvin Harris a écouté sur Skyrock le son de MHD aussi avec Afrotrap, du Mike Posner, du Florida, le nouveau Soprano aussi. Tout ça avant 8h du matin et avant 8h du matin, vos places de foot à gagner. Ouais. Petite question Euro, petite question football et puis des places pour aller voir, allez, je vous le dis, les 8e de finale et voilà. De l'Euro. On aura toutes les places à vous offrir jusqu'à la fin de l'Euro. Et là, attention, cette semaine dans le morning, vos places tous les matins, à n'importe quel moment du morning, ça peut tomber. Je vous ai promis avant 8h, ben ce sera avant 8h pour vous. Ok. 7h01, allez, bonne journée. 1500 euros, je vous en avais promis de l'argent, et ben il arrive. Info Mytho tout à l'heure aussi à 7h20. Ça, c'est pour vos télé, la nouvelle télé Samsung à choper. Ouais, c'est ça, 120 cm. Tes conseils pas chers. Et ce matin, dans les conseils pas chers, je vais gagner de l'argent grâce au foot. Oui. Et au sexe. Foot et sexe, on a le mélange des deux. Eh ben, beau programme. Ah, argent, ouais. Foot, sexe, Rihanna et Rémi pour les infos, c'est pas beau. Rémi, non. Mais si. Mais la mauvaise météo, langue. Les infos, c'est magnifique. Allez, la météo pour aujourd'hui. Bon, la météo, c'est pas super beau aujourd'hui, hein. Non, c'est encore agité, hein, en ce début de semaine sur le nord, le centre et l'est, avec alternance d'averses, d'orages et d'éclaircies. Plus calme par contre et même plus ensoleillé d'ailleurs, hein, sur les régions du sud des Pyrénées au pourtour méditerranéen. Les températures ce matin, on a 11 degrés à Laval, 12 à Cherbourg, 13 à Saint-Etienne et à Lille, 14 à Lyon, 15 à Paris, 18 à Montpellier et 19 à Marseille. C'est donc doux, mais cet après-midi il fera un peu plus frais. 16 au Havre, 18 à Lille, 19 à Blois, 20 à Nantes et à Paris, 21 à Auxerre, 23 à Montauban, 24 à Lyon et puis ça remonte à Marseille, 26 sur la cité phocéenne et puis 29 dans les arènes de Nîmes. La pollution, et c'est plutôt bon, les indices compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Toulon, Nice et Ajaccio. Bah profitez bien sur Toulon, Nice et Ajaccio, profitez du soleil, vous au moins vous en aurez. Mais oui. Bon, des infos, ça c'est pour tout le monde, où que vous soyez. L'actu, le sport, tout de suite avec toi Rémi. La Russie et l'Angleterre pourraient-elles être exclues de l'Euro? Bien possible selon l'UEFA qui brandit la menace si les violences entre supporters se répètent. Les heurts de ce week-end à Marseille ont fait de nombreux blessés. Un supporter anglais est toujours entre la vie et la mort ce matin à l'hôpital de la Timone. Les autorités craignent désormais que les Anglais et les Russes se croisent à nouveau entre Lille et Lens. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve souhaite interdire l'alcool dans les périmètres sensibles, les veilles et les jours de match. Une demande a été faite au préfet pour prendre des arrêtés. Le monde horrifié par la tuerie d'Orlando ce week-end aux États-Unis. Les hommages se multiplient de Paris à Moscou. Omar Mateen, 29 ans, a fait irruption dans une boîte et a littéralement tiré dans le tas. Le bilan extrêmement lourd fait état de 50 morts et 53 blessés. Les États-Unis n'avaient pas connu une telle attaque depuis le World Trade Center. L'auteur des faits a prêté allégeance à l'État islamique en appelant le 911. Et Daesh a revendiqué l'attaque hier soir. Une attaque qui tombe en pleine campagne présidentielle. Barack Obama dénonce un acte de haine et appelle à encadrer le commerce des armes à feu. Le candidat républicain Donald Trump demande au président d'utiliser le terme de terrorisme islamiste et l'appelle à démissionner. Dans son programme, il propose d'interdire le territoire américain à tous les musulmans. Le début d'une semaine agitée sur le plan social. La loi travail arrive au Sénat et les syndicats ne veulent rien lâcher. Grosse journée de mobilisation prévue demain à Paris. Encore quelques raffineries sont à l'arrêt ce matin. La grève des éboueurs se poursuit et ça continue aussi à la SNCF. Citran le signe 1 sur 10 aujourd'hui, un intercité sur 2 et 9 TGV sur 10. Enfin, rien à voir avec la loi travail, mais le mouvement perdure chez Air France. Un avion sur 5 devrait rester cloué au sol ce lundi. L'histoire touchante d'une vigile à Carrefour dans les Bouches-du-Rhône. Anne, 49 ans, a été suspendue par la direction. Un de ses collègues lui a donné des sandwichs périmés qui ne pouvaient plus être vendus. L'employé a expliqué qu'elle avait du mal à nourrir ses enfants depuis le décès de son mari. Elle a reçu une lettre pour la convoquer à un entretien préalable au licenciement. L'affaire a éclaté dans la presse locale et Carrefour affirme n'avoir jamais eu l'intention de virer la salariée. La direction estime tout de même que la procédure n'a pas été respectée puisque les denrées périmées doivent être données à des associations. L'agent de sécurité ne devrait pas être viré mais muté à un autre poste. Allez, on parle foot avec les résultats de l'Euro, mais pas que, il y a aussi le mercato. Ouais, l'Allemagne en rodage hier contre l'Ukraine, un petit peu poussif quand même, surtout en défense. La Mannschaft championne du monde s'impose tout de même 2-0. Victoire pour la Pologne, 1-0 contre l'Irlande du Nord et même score en faveur de la Croatie contre la Turquie. À suivre aujourd'hui la Suède de Zlatan contre l'Irlande à 18h du côté de Saint-Denis. Plus tôt, ce sera la République tchèque qui défiera l'Espagne à 15h et puis le choc à 21h entre la Belgique et l'Italie du côté de Lyon. Pas encore d'annonce officielle, mais Emery qui semble vraiment se diriger vers le PSG. Le Sevenol a annoncé son départ du FC Séville. Le club l'a officialisé hier. Ses avocats font savoir que son contrat sera rompu dans la semaine et que la décision est irrévocable. Les jours de Laurent Blanc semblent désormais compter. Et puis au rayon mercato également, le départ presque certain de Samuel Umtiti. Le défenseur lyonnais serait en passe de rejoindre le Barça. L'accord final n'a pas encore été trouvé, mais les discussions sont bien avancées. Le Dauphiné libéré annonce un transfert de 30 millions d'euros. En plus, on l'avait eu dans la radio libre, Umtiti. Ouais, c'est vrai. Ouais, et ouais. Ouais, il arrive au Barça. Ouais, ouais. Et on a des belles connexions dans le football. Hein. Ah ouais. C'est vrai que je connais également Cédric de l'équipe des Diables Rouges en Belgique. Wow. Ouais. Ça c'est la classe, hein, Cédric. Supporter officiel des Diables Rouges. Bah, toujours. Et ce soir donc Belgique-Italie à suivre. C'est ça, ouais. Merci Rémi pour les infos. On t'entrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure. Et avant 8h, vos places pour l'Euro, les places des huitièmes de finale. Je vous l'annonçais. Hein. Ouais. Ce sera tout à l'heure. Il est 7h06 sur Sky. Bonne journée à vous. Aujourd'hui, c'est lundi. C'est lundi. Et c'est le morning de Diffoul. morning show en direct sur Skyrock. Voilà, je sais que le lundi c'est pas facile. Merci pour les messages. J'adore les messages que vous envoyez le lundi. Là, il y en a qui aimeraient prolonger le week-end. Aline qui nous dit j'ai tellement passé un bon week-end que j'aimerais ne pas les travailler aujourd'hui. Oh ben ça recommence dans 5 jours. En plus il y a des matchs tout au long de la journée. Et oui, en plus. Et une fan de foot. Merci Aline pour le message. Ben, big up Aline. Bon, bon lundi. Et le lundi, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on est là et qu'on se réveille avec vous. Et on va se réveiller avec le chèque de 1 500 €. Je te remets le chèque, Romano, car j'ai toujours ma tendinite à l'épaule gauche. Ah, c'est bizarre, on n'avait pas encore entendu parler. Ben, ouais, c'est vrai. J'ai vu que personne ne me posait la question, à part vous, sur les messages. J'ai laissé faire l'équipe. Je me suis dit, à quelle heure il y en a un qui va me demander mon état de santé, qui va me demander. Bah, on voit que t'as brandé comment écharpe, vas-tu hein. Après ta blessure? Ta blessure. Non, mais là, ça a l'air d'aller mieux. Oui, ça va mieux. Oui. Ouais, parce que. Bon, au final, on s'habitue à tout. Hein. Bah, on s'habitue à vivre qu'avec un bras. Exactement. Moi, j'espère que les joueurs de l'équipe de France ne seront pas blessés. Faites attention. Moi, j'ai eu peur hier quand je les ai vus sur un VTT. Je me suis dit, oh là là là, faut faire attention au Didier. Didier Deschamps, il leur fait faire des trucs. Je leur fais faire une petite activité. Eh, hey, Didier, c'est pas le Tour de France hein, qu'on fait là. Hein. Allez, non, sérieux, hein, c'est l'Euro. Hein. Je vous emmène au Mont Ventoux. Au Mont Ventoux, c'est ça. Bon, allez, avec tiens, cette petite enveloppe, Romano, tu vas faire un euro. On va ouvrir l'enveloppe, on va vous offrir de l'argent. Il y a 1 500 € dedans et il y a le nom de la personne qu'on va appeler. Ouais, et on voulait vous poser une question. Tu voulais poser une petite question puisque nous allons parler foot et sexe. Ouais, c'est ça. Le site pornographique Pornhub. Oui, Pornhub. C'est comme YouPorn. De toute façon, c'est la même maison que YouPorn. Ouais, c'est ça, ouais. A lancé un grand sondage et a calculé le nombre de fois où les footballeurs étaient recherchés pour regarder des vidéos de cul. Ouais. Et alors, quel joueur vous aimeriez voir dans un film X? C'est la question qu'on voulait vous poser et on vous dira dans un instant. Le classement officiel. Le classement, on va vous donner le classement officiel de Pornhub. Quels sont les joueurs les plus recherchés sur les sites de cul? Ouais. Moi, perso, Ribéry, non? Ribéry, mais bien sûr, Cédric, tu as vraiment bon goût, Cédric. Une fois de plus, tu nous confirmes ton. Non, mais Ribéry, mais t'as envie de te caresser en regardant Ribéry. Non, je non, note pour blague. Cédric, c'est noté. C'est non, mais c'est bien, bah écoute, ça tombe bien parce qu'il n'était pas beaucoup recherché, tu vois. Ah, il est pas dans le classement. C'est l'effet de recherche de plus. Bon, on va donc en reparler et gagner de l'argent avec ça. C'est les conseils pas chers qui arrivent. Ouais, je m'en occupe. Mais d'abord, on s'occupe des 1 500 €, c'est l'heure. Le jeu des 1 500 €. C'est 1 500 € cash à gagner si tu réponds Skyrock. Mm-hmm. Alors attention, ouverture de l'enveloppe. Qui va gagner 1 500 €? Dans quelle région va-t-on aller? Qui va-t-on appeler? C'est l'heure de gagner des sous maintenant sur Sky. Hop, ça y est, c'est ouvert. Ouais. Et on va du côté du 62 à Béthune. Ah. Et c'est Bruno Ourdoir. Nous allons donc chez les Ourdoirs ce matin. C'est ça, chez Bruno. Chez Bruno, et on va lui demander quelle est sa radio. Mais c'est occupé chez Bruno. Bah, Cédric avait peut-être fait une fausse manœuvre. Tu sais. C'est fort possible, sans doute, oui. Ah, bah alors, Cédric. Vas-y, refais le numéro, Cédric. Je le refais une fois. Vas-y. Refais-le une fois qu'on soit vraiment sûr que ça répond pas chez Bruno. Ouais, allez Béthune. Allez Béthune, allez la famille Ourdoir. 1 500 € à gagner. Ouais, alors en plus on a tout fait, on a essayé trois fois là. Bah oui, c'est pour pas avoir de regrets comme ça. Bah pas de regrets pour les Ourdoirs. Et si il écoute Skyrock et s'il est au téléphone avec je sais pas qui, il va lui en vouloir à vie. Ah ouais, c'est clair. Et désolé Bruno. Bruno, 500 €. Et ben je garde le chèque pour tout à l'heure, 1 500 € à gagner. Ce sera juste après 8h du matin. Attention, attention, quel est le joueur de foot le plus recherché sur Pornhub? Quel est le joueur que vous aimeriez voir en train de faire l'amour? Ouais. Vos réponses au 41-7-5-9. Allez, Benzema et Balbena ensemble, pour Chris. Très bonne idée, ça serait une belle réconciliation, les deux en train de faire l'amour. Ah, hein. Bah, il y en a un des deux qui est dans le classement. Et il y en a un des deux qui est dans le classement. Je ne vous dis pas lequel. Ah, et ben on saura tout dans un instant. Allez, on se prépare, le temps d'écouter Rihanna et Calvin Harris, comme promis. This is what you came for. Le morning de Diffoul sur Skyrock. Come on, les show. Premier sur le cash. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. what you came for. Lightning strikes every time she moves. C'était Rihanna. Rihanna, vos places de concert à gagner tout à l'heure et toute la journée sur Skyrock. C'est la nouvelle roulette, la roulette qu'on a lancée samedi. Ouais. Et on remet ça tout au long de la semaine. Les places pour Rihanna, les places pour l'Euro aussi avant 8h du matin. L'on jouera avec une petite question que je vous proposerai tout à l'heure. Mais tout de suite à 7h14, eh bien c'est l'heure, Romano, de tes conseils pas chers. Et ce matin, on fait dans l'info, mais dans l'info brute de brute. Ouais, c'est ça. Les stars du football les plus recherchées sur Pornhub. Les infos que vous n'avez que sur Skyrock, les voici tout de suite avec le petit bilan de cette étude qui était faite par Pornhub sur les stars de foot que vous aimeriez voir en train de faire l'amour. Carriole, qu'est-ce que t'aimerais voir en train de faire l'amour? Ouais, Giroud. Ah, pas Didier Deschamps. Pas Didier Deschamps. Giroud, t'aimerais bien? Ouais, j'aimerais bien lui. Ah bah ça tombe bien, il est pas dans le classement. J'ai une copine qui est fan de Giroud aussi. Regarde la photo que je lui ai envoyée l'autre jour. Alors il y a une photo que vous pouvez faire avec vos appareils quand vous avez par exemple, je sais pas, votre copine qui vous dit putain lui il est trop beau, ça vous énerve. Ouais. Ah elle a putain lui il est trop beau. Regarde la photo que j'ai faite Giroud, il est trop beau là. Ah, j'ai déformé la gueule. Je lui ai déformé la gueule, je lui ai envoyé ça, je fais il est trop beau. Et voilà. Je lui ai fait un front, mais vous savez un front comme un peu comme Frankenstein. C'est ça, c'est un front. Qui fait les trois quarts du visage. Vous pouvez vous amuser comme ça avec. Eh bien, Giroud n'est pas dans le classement malheureusement. Ah, ça a été demandé, c'est sur le monde entier. Ouais, bien sûr, Pornhub International. Bon, alors attention, je vous donne le classement. Ouais, vous nous citez beaucoup de Cristiano Ronaldo. Bah, Cristiano Ronaldo, bah, ça tombe bien parce que Cristiano Ronaldo arrive premier classement Pornhub. Pornhub. Cristiano Ronaldo, bah ça marche également pour Greg qui nous envoyait un message. Salut à toi Greg. Il y a Caroline également qui est fan de Cristiano Ronaldo. J'aimerais bien le voir tout nu, elle nous dit Caroline. Ah bah il est premier au classement. Il est premier, c'est lui le footballeur le plus recherché sur les sites docu. Ouais, c'est ça. Et il y a un producteur portugais de Filmix qui s'appelle Carlos Ferreira. Ferreira, dis donc. Et qui vient de lancer un nouveau film qui s'appelle As Ronaldas. Et c'est un film inspiré du célèbre footballeur Cristiano Ronaldo. As Ronaldas. Et donc c'est lui le plus recherché sur tous les sites de cul, notamment sur Pornhub. Mais ouais. Il n'est pas tout seul. Voici le classement des 5 premiers. Les 5 premiers. Deuxième, bon un peu plus à l'ancienne, c'est David Beckham. Toujours autant de succès. Fait toujours son petit effet, David Beckham. Troisième, Lionel Messi. Oui, oh le Messi. Quatrième, Neymar. Ouais. Et cinquième, Robert Lewandowski. Il est polonais, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Par contre, il n'y a pas Zlatan? Si, Zlatan est 12e. Oh, et pas content, Zlatan. Et Karim Benzema, bah, c'est le seul français, il est 13e. Ah, si, il y a 8e, il y a Eden Hazard aussi. Ah. Eden Hazard qui est belge, qui est presque français. Ouais, il y a quand même Wayne Rooney, l'anglais, bon, qui est vilain comme tout. Mais il est combien, Wayne Rooney? Bah, il est 7e. Ah, quand même. Ouais, ça me ferait chier quand même. Ouais, ça me ferait chier quand même d'être derrière, comme Zlatan qui est derrière, bon. Oui, c'est vrai. Je prendrais moyen. Donc, premier Ronaldo, deuxième Beckham, troisième Messi, quatrième Neymar et Lewandowski, 5e. Voilà pour le classement des joueurs les plus recherchés sur les sites de QB. Comment vas-tu trouver une idée pour gagner de l'argent grâce à ça? Eh ben, je vais dire aux familles que j'ai une sextape de Cristiano Ronaldo. Quoi, je vais pour les familles, je vais dire qu'il y a cette vidéo parce que sextape, je suis pas sûr qu'ils comprennent. C'est vrai. Et je vais leur proposer de leur vendre et en cadeau, j'ai une dédicace de Cristiano Ronaldo donc j'ai fabriqué moi-même. Ah, c'est pour ça que tu signais, je suis passé derrière Romano tout à l'heure, il signait des photos dédicacées CR7, de Ronaldo. J'ai marqué CR7. Et il écrivait CR7. Bah, CR7 Cristiano Ronaldo. Ça passe. C'est pour les conseils pas chers. Ah bah allez, conseils pas chers en action. Allez. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Alors tu vas vendre une fausse sextape aujourd'hui, plus des faux autographes de Cristiano Ronaldo. Bah sur la sextape, il y aura l'autographe, tu vois. Et Cédric, t'as sélectionné des familles à consonance portugaise. Ah, viva Portugal. Les Da Silvas. Les Ferreras. Les Santos. Les Dos Santos. Allô, Manuel. Oui. Oui, comment tu vas, Manuel? C'est qui? Viva Portugal! Viva Cristiano! Emmanuel, je me présente, Monsieur Lapins, je travaille pour Pornhub et je voulais te proposer une cassette vidéo de Cristiano Ronaldo en train de faire l'amour. Et puis votre connerie, c'est quoi? Ah non, mais sérieux, Cristiano Ronaldo en train de faire l'amour et en plus t'as un autographe que je te mets sur la cassette vidéo, CR7, il a signé. Il a signé CR7. Et il mettra pour Manuel. Manuel Portugal, viva Portugal. Pour Manuel Bacalhau, ouais, Manuel. Manuel. Oui. Tu veux regarder un petit extrait du film de Cristiano Ronaldo? Allô? Manuelche. Ah, t'es con Manuelche, parce que le film il déchire. Hein. Je vous repasse un petit extrait, vous en voulez un? Manuelche. Ah, oui. Chichi. Prépare ça, ouais, je prépare un autre, vas-y. Alors, un petit extrait du film de Cristiano Ronaldo. Ah, chichi. Chichi. Oh là, oh là, bah dis donc, c'est le vrai Cristiano. Simao. Allô? C'est qui? Simao. Simao. Il habite rue des Glands. Allô? Simao. Simao de la rue des Glands. Simao, il y a Cristiano, il fait la mourche. Viva Portugal, Simao. Portugal, bah, faut dire. Vous voyez pas que c'est un poteau, d'appeler maintenant. Ah, bah attends, je t'appelle pour un truc magnifique, ma chérie. J'ai la vidéo de Cristiano Ronaldo en train de faire l'amour et je voulais te la vendre ce matin. Ah, c'est Cristiano Roche. Ah, pas mal ça. Intéressant. Avec un autographe en plus. Hein. La petite dédicace en plus. CR7. CR7. Ça m'intéresse pas. Ah, merci. Tu préfères David Beckham? Non. Non, j'ai Lionel Messier aussi en stock. Bonne journée, merci. Bonjour, Nesh. Bonjour, Nesh. Oui, Cristiano. Je pensais que ça partirait mieux que ça quand même. Cédric, une petite dernière, s'il te plaît. Allez, vas-y. Allez, une petite dernière. Pendant ce temps, moi, je regarde la petite vidéo de Cristiano Ronaldo. Elle est vraiment pas mal. Hein. Mais il pousse des hurlements comme ça. C'est tout le temps le même cri. Et selon son ex, Cristiano Ronaldo est un passionné de films X pendant qu'il fait l'amour. Ah. Et peut-être qu'il se regarde lui-même pendant qu'il fait l'amour. Allô? Alloche? Viva Portugal! Alloche? Bah oui, alloche. Alloche! C'est pour qui compte? Bah écoutez, ami portugais, il reste des cassettes. Ah bah il m'en reste en stock là, j'ai tout le stock là, vrai dire, j'avais pas envie. Il n'y a pas une seule qui est partie. Pas une! Mais Cédric, t'en veux pas une? Non, ça va aller. T'es le dernier mec qui se branle sur des cassettes vidéo, Romano. Bah non, mais c'était pour les familles, qu'est-ce que tu veux? Bah alors, je vais dire sextape à la famille, qu'est-ce que c'est que ça, une tape? Une tape. Allô? Une petite tape. Alloche? Allô? Manuel. Manuel! Merci, c'est. Manuel! Qui c'est qui est au téléphone? C'est un copain de Manuel. C'est un copain de Manuel? C'est pour Cristiano Ronaldo. C'est qui? Cristiano Ronaldo, le footballeur. Ah, écoutez, va. Il est là, Manuel? Manuel, il est pas là, Manuel. Il est où, Manuel? Ah, mais je l'entends, Manuel, derrière, il est en tête gauche. Oui, vous l'entendez, Manuel, mais il n'est pas de service, Manuel, il n'est pas là. Pas Manuel, allez, au revoir. Manuel, il est sur le tronche. Il est bon, oh, bon, merci le Portugal, merci à les Portugais. Dans le morning de Difool. Skyrock promet ce RMHD. Ouais, et dans un instant, votre télé Samsung a gagné. On va jouer à Info Mytho. Et MHD tout de suite. Avec Afro Trap Partie 5. On reconnaît les pas, vous reconnaît les bâtards qui partent par intérêt. Enfoiré, tout penser de terre. Après des marchés, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Envie ta tenue, mon gars, pour ce combat. Mon chip, pas de fatigue, paye, j'en laisse. Tout le monde qui va gérer mes vêtements. Et ma ça, tu prends les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hey, mon ami, je vois l'enfant avec le bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Paris, Mbalé. Faut que les jaloux, j'y vois ma vie. À 11h, je dis ça avant même. Gardez, appétit, quand je marche la boule à du Brésil. Imbécile, plus par loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez, appétit. Gatti, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Mais mépriser mes gars sont mes prévages. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moule. Ouais, c'est bête, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie là. Bon, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Avec du lard, connais pas la porte claire. On se tue l'air, c'est moi qui le passe. Ça passe, tu parles, on sait que tu ne passes pas. Quand je me barre, la boule à du Brésil. Imbécile, je veux barre loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gatti, appétit. Quand je me barre, la boule à du Brésil. Imbécile, je veux barre loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gatti, appétit.

Leclerc. Chérie, en ce moment, c'est la foire à la bière chez Leclerc, avec des promos sur les bières. Du coup, j'ai refait le plein de Kronenbourg. Mais c'est quoi ce pack de bière? Un pack de 40 bouteilles, avec 30% de remise immédiate. Ah, ok. Du 15 au 25 juin chez Leclerc, le pack de 40 bouteilles de 25 centilitres de Kronenbourg, avec 30% de réduction immédiate, est à 10,50€, soit 1,05€ le litre après réduction. Voir modalité dans les magasins participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Là, on a de la Kronenbourg. Ah oui, je confirme. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. Et on va jouer à Info Mytho. On a Anthony avec nous en direct de Bretagne. Il est où, Anthony? À Brest. Salut, Anto. Salut. Salut. Salut. Merci en tout cas. Et des maths. C'est un plaisir de passer avec vous. Et t'as vu, ouais, on a appris à parler le breton pour tous nos auditeurs bretons qui nous écoutent. Je sais que vous êtes là en masse. Des maths, les bretons. Bonjour en breton. C'est... Bonjour, des maths. Des maths, des maths. Alors, des maths. Anthony, on va filer beaucoup plus loin que la Bretagne. On va filer aux États-Unis où un gars a trouvé, en croquant dans son hamburger, un billet de 20€ entre le pain et la viande. Pas de 20€, de 20$. 20$ entre le pain et la viande. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est un mytho? Donc moi j'ai dit info. Info, et ça a fait la une aux États-Unis ce week-end. Les Américains en sont fous, le McDonald's est arrivé. Eh ben ça y est. Mais il est pas sur la carte, hein, parce que l'équipe du McDo elle a dit non non, c'était pas prévu comme ça, autrement on va fermer bientôt. Ouais c'est clair, ouais. Vous imaginez pour un hamburger à $1, hein, il te file $20 dedans. C'est rentable. Ça vaut le coup. C'est pas mal. Hein. Eh, c'est pas mal. Bon, en tout cas ça t'a permis de te qualifier, Anthony. Tu es qualifié, tu vas jouer à Info ou Mytho. Et tu vas jouer avec d'un côté Cédric et de l'autre Romano, nos deux journalistes. Reporter. Ouais, c'est ça. Et tu joues pour l'écran Samsung. Hein. Ouais. 120 cm, Ultra HD, tout ça. Ouais, on joue à Info Mytho et c'est parti. Info Mytho, Mytho, Mytho. Qui dit vrai, qui dit faux? Alors, les infos du monde, Romano, qu'est-ce que tu nous ramènes ce matin? Eh bien, Justin Bieber. Oh, Justin Bieber. Justin Bieber, en fin de semaine dernière, s'est encore battu. C'est pas vrai. Ça, je suis sûr que c'est une info, ça. Parce que le mec se bat tout le temps. Il sortait d'un match NBA, et là, c'est le drame. Un mec lui dit, hey, Bieber. Hey, Bieber. Et là, ça, il n'a pas supporté Justin. Il a dit au mec, déjà, quand tu veux t'adresser à moi, tu dis pas Justin ou Bieber, tu dis Monsieur Justin Bieber. Alors, Justin Bieber s'est pris la tête parce qu'on l'a pas appelé monsieur, c'est ça l'info? Monsieur Justin Bieber, info ou mytho? C'est ça l'info ou le mytho, t'as raison. Ouais. Ça, c'est l'info de Romano, l'info de Justin Bieber. Et toi Cédric? Alors moi on file dans le Tennessee avec Curtis. Curtis c'est un homme qui conduisait ivre, bourré. En fait il s'est fait arrêter parce qu'il a fait un excès de vitesse. Et donc quand la police le contrôle, il explique en fait qu'il était bourré parce qu'il avait un problème au niveau du zizi. Il avait une cage de chasteté et qu'il conduisait vite parce qu'il voulait rentrer chez lui pour trouver la clé. Une cage de chasteté, c'est une espèce de cage qui t'emprisonne le zizi. C'est bien ça. C'est comme une cage à oiseaux, sauf qu'il y a une cage à zizi. Voilà, voilà, c'est pour les filles très très jalouses. Les filles, si vous êtes super jalouses, vous pouvez acheter une cage de chasteté à votre chérie. Et puis, facile à porter sous un pantalon. Bah oui. Ça ne se voit pas du tout. Et puis, très hygiénique quand tu vas faire pipi parce que tu pisses sur la cage. Ouais, c'est ça, ouais. Et la police a vérifié quand même. Et la police a vérifié s'il avait vraiment une cage de chasteté. Oui. Alors, il y a une info qui est vraie, une autre qui est fausse là-dedans. Ouais. Celle de Cédric ou celle de Romano. Moi, j'hésite, je sais pas en fait. Qu'est-ce que t'en penses, Anthony? Moi, je dirais Romano info et Cédric mytho. Attention, je me retourne vers Romano qui fait une sale tête. C'est pas bon. Justin Bieber s'est pas battu. Si, il s'est battu, mais c'est pas pour la bonne raison que je vous ai donnée. C'est quoi la bonne raison? Bah, en fait, il sortait d'un match NBA, il était un peu allumé. Et là, il y a un mec qui lui dit je pourrais avoir un autographe pour deux amis. Et là, Justin Bieber, très très désérvé, énervé, lui répond: pas d'autographe ce soir, fils de pute. Sympa. Et il s'est battu. Ouais, du coup, derrière, le mec, il l'a très très mal pris. En plus, Justin Bieber, il s'est pris d'un mec 90 et donc ça s'est terminé en baston. Parce que Justin Bieber, on l'avait déjà donné l'info il y a quelques semaines voire quelques mois, Justin Bieber ne veut plus signer d'autographe parce qu'il a l'impression d'être un animal. Un animal de foie. Le Bieber, tu as perdu à cause de Justin Bieber. Anthony, désolé Anto, mais tu as perdu, mais pas tout, puisqu'on va t'envoyer ou ton maillot des Bleus ou ton maillot de l'équipe que tu veux. Si t'es pas fan des Bleus, tu peux être également fan, je ne sais pas, par exemple de la Belgique comme Cédric. Et ou alors ton jeu, c'est au choix. Ouais, c'est maillot ou jeu au choix pour toi, Anto. Moi, je vais prendre le maillot du Portugal alors. Et le maillot du Portugal. Vive Portugal. Le bleu, j'ai déjà acheté. Et le bleu, tu l'as déjà. Le maillot des Portugais. On t'envoie ça à la maison à Brest. On te souhaite une bonne journée, Anto. Merci. Salut Antoche. Ah bah on le prononce à la portugaise. Ah, portugaise Antoche. Et on te dit au revoir en breton, Kenavo. Eh, Kenavo, et tu reviens quand tu veux. Tu peux jouer quand tu veux, hein, toi. Et là, je te fais du breton portugais, Kenavoche. Kenavoche. Kenavoche. Salut Antoche, raccroche pas. Ciao. Info, mytho avec vos télés à gagner tout au long de la semaine. Attention, attention, il est 7h33, avant 8h du matin, vos places pour l'Euro. Et oui, les 8e de finale aujourd'hui à choper. Ouais. Petite question football et places à gagner. Mais d'abord, les infos. Écoutez bien les infos, on sait jamais. Peut-être vous apprendrez quelque chose. Quelque chose qui vous permettra peut-être de gagner vos places, on sait jamais. Puisque tu veux nous parler de l'euro, Rémi. Bah oui. Bon, avant l'euro, la météo. Et c'est encore agité en ce début de semaine sur le nord, le centre et l'est, avec alternance d'averses, d'orages et d'éclaircies. Plus calme, plus ensoleillé dans les régions du sud des Pyrénées au pourtour méditerranéen. Les températures ce matin dans le nord, elles sont comprises entre 11 et 15 degrés, 13 à Lille, 15 à Paris, de 12 à 19 dans le sud, 14 à Lyon et 19 à Marseille. Et dans l'après-midi, il fera 16 à Cherbourg, 18 à Lille et à Beauvais, 19 à Lorient, 20 à Bordeaux et à Paris, 21 à Saint-Etienne, 24 à Lyon, 26 à Marseille et 28 du côté de Toulon. Et puis la pollution, c'est plutôt bon. Les indices compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Toulon, Nice et Ajaccio. Et on fait le tour de l'actu tout de suite. L'actu et le sport, c'est parti sur Sky. La loi travail qui arrive au Sénat aujourd'hui, l'occasion pour les syndicats de maintenir la pression. Grosse journée de mobilisation nationale prévue demain à Paris. Encore quelques raffineries sont à l'arrêt ce matin. La grève des éboueurs se poursuit. Ça continue aussi à la SNCF. 6 Transiliens sur 10, 1 Intercité sur 2 et 9 TGV sur 10 sont prévus pour aujourd'hui. Enfin, rien à voir avec la loi travail, mais le mouvement perdure chez Air France. Un avion sur 5 devrait rester cloué au sol aujourd'hui. Pas de CAF si vous êtes dans le Nord et particulièrement à Lille. La caisse d'allocation familiale la plus importante de France n'est pas en grève, mais tout simplement débordée. La fermeture a été décidée pour une semaine histoire de rattraper le retard. 260 000 courriers sont en attente de traitement. La direction affirme qu'aucun allocataire ne sera affecté. Passer son code de la route à la poste, eh bien c'est désormais possible. Le décret entre en vigueur à partir de ce matin. Le nouveau dispositif est disponible dans une dizaine de locaux. Plus de 300 centres seront ouverts d'ici la fin de l'année. Le coût pour le candidat s'élève à 30 euros et les salariés concernés ont tous reçu une formation. L'objectif est d'accélérer les délais. L'horreur, une nouvelle fois dans l'actualité ce matin. La communauté gay a ciblé ce week-end à Orlando en Floride. Omar Mateen, 22 ans, a fait irruption dans une boîte dans la nuit de samedi à dimanche. Le bilan est effroyable, 50 morts, 53 blessés. Le tueur américain d'origine afghane a prêté allégeance à l'État islamique quelques minutes avant son crime. Daesh a revendiqué l'attaque hier soir, mais les autorités restent prudentes. Il a été tué pendant l'assaut des forces spéciales et avait déjà entendu dans le passé par le FBI qui n'avait pas donné suite. Un petit rappel, demain c'est la journée mondiale du don du sang. Skyrock s'associe à l'établissement français du sang pour l'occasion. Inutile de vous rappeler que le don sauve des vies et qu'au final, eh bien, ça ne prend que quelques minutes pour faire une bonne action. De nombreuses collectes sont organisées toute la semaine, dont une à Paris jusqu'à mercredi sur le parvis de Notre-Dame. Et le point sur le sport maintenant, et oui, l'euro évidemment, les résultats de l'euro, des news des bleus et aussi, et ouais, ça c'est pas avec du ballon, c'est la F1. Ouais, l'Allemagne en rodage hier contre l'Ukraine, la Mannschaft championne du monde s'impose 2-0, victoire pour la Pologne 1-0 contre l'Irlande du Nord et même score en faveur de la Croatie contre la Turquie. À suivre aujourd'hui l'entrée en lice de la Suède avec Zlatan forcément, contre l'Irlande à 18h du côté de Saint-Denis, plus tôt ce sera la République tchèque qui défiera l'Espagne à 15h sur Toulouse et puis à 21h l'affiche oppose la Belgique à l'Italie du côté de Lyon. Pogba a ménagé hier à Clairefontaine. Les Bleus se sont légèrement entraînés hier en fin d'après-midi. Pogba a eu le droit à une séance individuelle en salle. Koscielny et Matuidi ont juste fait l'échauffement avant de rentrer au château. Pas vraiment d'indication pour le match de mercredi contre l'Albanie. La distribution des chasubles a permis de constater que Didier Deschamps conservait sa défense avec Sagna, Rami, Evra et Kanté. Griezmann, Giroud et Martial étaient réunis en attaque. Et puis de la Formule 1, une nouvelle victoire pour Lewis Hamilton au Canada. 5e succès pour le Britannique au volant de sa Mercedes. Il termine devant la Ferrari de Sébastien Vettel et la Williams de Valtteri Bottas. Nico Rosberg reste en tête du championnat du monde, mais avec seulement 9 points d'avance sur son coéquipier Hamilton. Merci Rémi pour les infos. Il est 7h37 et avant 8h, vos places pour l'Euro à gagner. Allez, bonne chance à vous. Le morning de Difool, 6h, 9h, bon, allez, show. Avec Difool et Romano sur Skyrock. Avec une question sur ce qui s'est passé ce week-end. Question football sur ce qui s'est passé ce week-end. Tout le monde pourrait y répondre, même si vous n'êtes pas calé au niveau foot. Hein, si vous voulez aller voir un match de l'Euro, les places sont pour vous. Ouais. Et ce matin, les 8e de finale à gagner. 8e de finale de l'Euro, c'est pour vous. C'est sur Skyrock. On aura aussi les quarts, les demi et même la finale à vous offrir. Bip, bip. Restez bien dans le morning. Tout ça, c'est pour vous. Et tiens, puisqu'on parle de l'Euro, réveil de star avec une des stars de l'équipe des Bleus, une star de notre équipe, les Français. Oh, à l'honneur ce matin, je vous l'annonce, sexy comme jamais, voici Didier Deschamps. Bonjour. Il a une petite voix sensuelle, ce Didier Deschamps. Non, pas des masses. Notre entraîneur, il va réveiller les familles de France. Ça va bien. Très bien. Dans 10 minutes, un quart d'heure, à 7h50, on retrouve notre réveil de star. Avant ça, on aura l'horoscope de l'amour, vos places à gagner. Et on va parler d'un prof un peu bizarre. Et oui, c'est la semaine du bac, mercredi. Ouais, ça y est, c'est parti là. Les bacheliers, les 600, 700 000 bacheliers vont passer leur bac de philo. Ouais. Eh ben, bon courage. Et bon courage également à tous les autres, tous ceux qui passent des examens. On va parler de profs ce matin, juste pour rigoler un peu. Les profs bizarres, enfin un petit bilan de l'année. Vous avez eu cette année, si vous êtes en cours, des profs bizarres pour tous les autres. Nous, par exemple, qui n'allons plus en cours, ça s'entend. Hein. Oui, un petit moment. Vous l'aviez remarqué qu'on n'allait plus en cours. Eh bien, nous aussi, on va faire appel à nos souvenirs. Est-ce que vous avez déjà eu des profs super chelous, super bizarres? Je vais vous en présenter un, je pense qu'il n'y a pas pire. Ah, il a amoché? Complètement. D'accord, très bien. Un prof complètement amoché dans une université, on va en parler, tiens, d'ici quelques instants. Mais d'abord, dites-nous au 41759 et sur l'appli Skyrock, vous avez déjà eu des profs un peu chelous? Allez, parlez-nous de vos profs complètement bizarres. Ouais. Tu vas nous parler encore de ton prof qui s'appelait Œil de lynx. Romano. Ah, qui avait la cataracte. Oui, moi j'en ai eu d'autres. Hein. T'en as eu d'autres? De la nouveauté alors. Attention. Allez, après avoir découvert Œil de lynx, l'homme à la cataracte. Ouais, c'est ça, elle avait une peau qui poussait devant les yeux, il voyait rien, on rigolait. Ouais, et après, il s'est fait enlever la peau et là, c'était la folie. Ah, bah là, c'est à ce moment-là, il est devenu Œil de lynx. Œil de lynx. Bon, vous avez vous aussi des profs chelous, avec des surnoms chelous, pourquoi pas. Vous nous envoyez ça et je vous présenterai notre prof, de l'autre côté de l'Atlantique, un prof qui a fait le buzz. Attention. L'homme le plus célèbre du Mexique. Mexico. Il est 7h39 sur Sky. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know our sad songs, sad songs. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, oh, I know our sad souls, sad souls. I'm Allez, tout que pile en Ibiza sans Skyrock. Un petit tour à Ibiza avec Mike Posner. Il est 7h43. Et on va laisser la parole à vous tous et vous toutes qui vous souvenez de vos profs, qui avaient de super profs ou qui avaient eu de super profs cette année. Eh bien, je peux vous en citer quelques-uns, il y en a des pas mal. Ouais, il y en a des pas mal, ouais. Alors, les profs pervers, on fait une petite catégorie profs pervers. Ludivine qui nous dit, nous, on est un prof qui faisait exprès de mettre les radiateurs à fond pour qu'on se déshabille et que les filles se montent avec leurs petits hauts. Hein? C'est abusé. Vous n'avez pas chaud, les filles? Allez, enlève. Oh, il fait 40, moi je serais vous, j'enlèverais tout. Ah, moi je trouve qu'il fait chaud, les filles. Ah, ça, ça fait partie des profs pervers. Il y a les profs aussi qui interrogent toujours les filles qui sont habillées sexy. Vous savez, avec un petit legging qui moule un qui peu. Qui moule au tableau, ouais. Ou une petite jupe quand on voit les petits genoux. Absolument, ouais. Voilà. Moi j'en avais un qui était comme ça là. J'en avais un d'ailleurs, un prof de français qui était pas mal. Il était à la fois pervers et sale. C'est-à-dire que le lundi il avait une chemise blanche et le vendredi il avait toujours la même chemise blanche, sauf que au niveau du col, vous savez, c'était tout marron. Ouais, c'était la crasse, ouais. Marron, gris, noir. Enfin, moi c'est la même chose sur mon t-shirt. Non. Ah, toi aussi tu fais comme mon prof, c'est la mode. Je change tous les jours. Tu mets un t-shirt le lundi jusqu'au vendredi tu le gardes. Oh ouais, au moins. Au moins. Bien sûr, ouais. Wow. Moi j'ai un prof, elle s'appelait Madame Pucelle. C'est son vrai nom. Eh ben écoute, sympa. Salut Madame Pucelle, bonjour Anna, Madame, merci pour ton message. J'avais un prof, c'est un ancien punk, nous dit Yanzo. Moi c'est un prof qui se prenait pour Mozart. Ça, c'était un prof de musique qui devait être à fond dedans. Hein. Ah putain, moi, mon prof de musique, c'était le sosie de Gérard Jugnot. Beau gosse. Avec la moustache, habillé en militaire, et il nous faisait chanter la Marseillaise toute l'année. Oh, magnifique. Tiens, j'ai un prof, il arrête pas de dire chute, même quand il n'y a pas de bruit, nous dit Victorien. Ouais, mais ça, j'en ai eu un aussi. Non, j'ai parlé comme ça. Il disait, monsieur, vous pouvez parler plus fort? Non, je ne parlerai pas plus fort, vous n'avez qu'à faire le silence. Chut. Sinon, j'avais un prof d'histoire des mots, il avait un cheveu sur la langue, donc on lui faisait dire des dates pour de sa gueule. Oui, oh. Alors, il fallait lui faire 1789. Ouais, 1515. 1515, Marignan, c'est quelle année? 1515, Révolution française. Révolution, c'est pas facile à dire. Il écoutait quoi comme radio? Skyrock. Skyrock, j'adore. J'adore, c'est super, Skyrock. Bon, vous avez eu des profs chelous, je vois les messages que vous nous envoyez qui continuent de défiler. Eh bien, tiens, regardez, Mata, lui aussi, il a eu un prof un peu pervers, il n'interrogeait que les filles au tableau. Ouais, c'est bien ça. Oui. Eh bien, un prof un petit peu bizarre qui fait la une au Mexique. Hey, Mexico. C'est un des profs les plus bizarres qu'on ait jamais eu. C'est un prof qui fait ses cours habillé en Spider-Man. Non. Je vous assure, c'est vrai. C'est marrant. Depuis un an et demi, et on le laisse faire, c'est ça qui est hallucinant. Ah bah. C'est un prof dans l'université de Mexico. Hey, Mexico. C'est pour ça qu'il est célèbre au Mexique. Aïe, aïe, aïe. Mexico, aïe, aïe, Spider-Man. Et le mec est devenu célèbre. Maintenant, les gens l'arrêtent dans la rue pour lui demander des photos, des petites dédicaces. Et donc, il vient faire ses cours en Spider-Man. Non, mais il est ravagé. Ce qui est dingue, c'est que ça arrive en France ici, le mec il fait pas deux jours comme Spider-Man, non, il se sent fermé. Hein. Ah non, ouais. Et bien au Mexique, il continue de donner des cours. Imaginez, vous avez un prof qui arrive et vous fait Yes with Spider-Man. Eh hey, si, Yes with Spider-Man et Superman. Ah bah déjà, t'appelles tous tes potes, tu le filmes et tu rigoles un petit peu. Ah ouais, grave. Eh si, Yes with Spider-Man. Ça c'est Superman. Superman. Ça c'est Superman. C'est son copain. Et j'ai aussi Spider-Man si vous voulez. Ça c'est Spider-Man. Voilà. Il arrive, il monte sur la table. Mais il fait court au plafond, il fait des trucs. Ah, je sais pas, peut-être qu'il lance des toiles d'araignée. Peut-être. Hey, tu vois, va le travailler. Ici, il se met la toile d'araignée. Voilà, il a 26 ans, il se balade comme ça dans les transports en commun. Il fait des dédicaces à tout le monde. Tout le monde me sourit, tout le monde m'aime. Ouais, il dit. Tu m'étonnes. Ouais. Les gens se disent, allez, sourions-lui, c'est un dingue. Il est bien gentil. Et ils n'ont pas sourire. Ils l'ont pas viré parce que c'est un bon prof, ils disent. Ah bah oui. Ouais. Eh ben écoute, dans l'état dans lequel il est, vaut mieux que ce soit un bon prof. Ouais, bah il y a moi ça, ouais. Le prof Spider-Man, imaginez, vous avez ça. Il y a sous Spider-Man. C'est pas mal. Spider-Man. C'est Spider-Man. Car l'araignée est là. Moi je connais les paroles françaises. Oh oui. Nous sommes en France, monsieur. Oui, en France, monsieur. Vive la France, vive les bleus. Bon, bah voilà, on espère qu'on en retrouvera d'autres comme ça. N'hésitez pas si vous avez eu des profs très chelous. Effectivement, lui il est bien arrangé. On peut vous donner la parole. On peut même en reparler ce soir si vous voulez entre 21h et minuit dans la sans radio. Sans problème. Attention, et à 7h47, allez les bleus. Allez les bleus. Allez. C'est l'heure de gagner vos places de foot pour gagner les huitièmes de finale ce matin. On a les huitièmes, les quarts, les demi et la finale. Allez, on commence avec les huitièmes de finale à gagner tout de suite. On va jouer ensemble avec une petite question que je vous pose tout de suite. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Alors la question foot de ce matin, ça peut se passer à n'importe quel moment du morning. Bon, ça se passe maintenant à 7h47. Il faut nous dire, sur le 41-759 ou avec l'appli Skyrock, voici la question, une question marrante qui va vous amuser beaucoup, j'en suis sûr. Ouais. La question, la voici. Il y a un entraîneur d'une équipe. C'est le nom de l'équipe qu'il me faut. Qui s'est mis la main dans le slip hier, à la télé, devant tout le monde, et qui après a senti ses doigts. Oh. Mais qui est cet entraîneur? Je ne vous demande pas son nom, je vous demande juste l'équipe qui l'entraîne. L'entraîneur de quel pays? Ce n'est pas Didier Deschamps, ça s'est passé ce week-end. Il a mis les mains dans son slip, et après il s'est senti les doigts pour voir si tout était clean. Quel est cet entraîneur? De quelle équipe est cet entraîneur? Il nous faut le nom de l'équipe au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Vous envoyez ça vite, vite, vite. Vous laissez bien vos numéros de téléphone et le premier qui trouve la bonne réponse se retrouve en direct sur Sky avec ses deux places en poche. Bip, bip. Les places pour les huitièmes de finale à gagner sur Skyrock de l'Euro 2016. Oui. Allez, l'entraîneur mystère à découvrir tout de suite. Bonne chance à vous. Il est 7h48 et dans une minute, votre horoscope, l'horoscope de l'amour arrive. Avec les offres Trilogy, vous avez trois bonnes raisons de rouler enfin en BMW. Un taux de financement exceptionnel, 3 ans d'entretien offert et la garantie étendue à 3 ans pour 1 euro de plus. Uniquement sur des occasions sélectionnées par votre concessionnaire BMW. Offre Trilogy jusqu'au 18 juin chez votre concessionnaire BMW Premium Sélection. Offre limitée à 300 dossiers. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Financement de 12 à 48 mois sous réserve d'acceptation par BMW Finance, voire conditions sur bmw.fr. Carrefour, à vos côtés avec les bleus. Et voilà Valérie qui rentre, elle sort les courses et oh là là, elle surprend tout le monde avec ses verdures Alex aux couleurs des capitales d'Europe. Une exclusivité Carrefour en édition limitée. Absolument. Jusqu'au 18 juillet, pour 30 euros d'achat chez Carrefour, le verdure Alex est à seulement 1 euro. Et demain, c'est Dublin et Berlin. Ah, une collection comme ça, il faut pas la rater. Jusqu'au 18 juillet chez Carrefour, collectionnez les verres Duralex 100% made in France. Le verre est à seulement 1 euro par tranche de 30 euros d'achat. Modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Et l'horoscope de l'amour sur Skyrock à 7h49. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Ah, vous cherchez l'entraîneur qui s'est senti les doigts après les avoir mis dans le slip hier à la télé. Faut faire attention les entraîneurs, je le dis à Didier, s'il nous écoute, Didier Deschamps, fais gaffe, il y a des caméras sur le terrain. Ouais, faut faire attention. Il y a des caméras de surveillance, elles chopent tout, attention, méfie-toi. Voici l'horoscope de l'amour, avant la réponse à cette question et avant les places pour les huitièmes de finale. L'horoscope de ce lundi 13 juin va commencer par le 5 sur 5 du jour, la meilleure puissance amoureuse, elle est pour les vierges et pour les sagittaires. Wow. Tout ce que vous voudrez, ou presque, vous l'aurez, ou presque, de l'amour, de la passion, du sexe, une journée de rêve pour vous. Les vierges et sagittaires, 5 sur 5. Verseau, cancer, vous avez 4. Et c'est pas mal, vous aurez l'art et la manière d'être au bon endroit et au bon moment. Vous aurez en gros de la chance aujourd'hui. Ce côté chanceux vous servira évidemment en amour. Et dans tous les autres domaines de la vie, Verseau, cancer, belle journée. Oui. Et une belle journée aussi pour les béliers et les taureaux. Vous êtes d'humeur plutôt romantique aujourd'hui. Une belle journée qui s'annonce donc avec de la surprise pour ceux que vous aimez. Vous allez les surprendre aujourd'hui. 2 sur 5, les capricornes et les gémeaux. C'est plutôt calme dans votre vie affective, vous en profiterez pour faire avancer vos autres projets dans les autres domaines. Et c'est une belle journée pour tout ça, les capricornes et les gémeaux. Pas mal pour un 2. 1 sur 5, les lions et les balances. Bon, être un peu possessif ou être un peu possessive, ça va, c'est bien. Mais vous le serez beaucoup trop aujourd'hui. On va vous trouver lourd et pénible. Les lions et les balances, bon courage à ceux qui vous entourent. Ouais, bon courage. Et pour finir, les poissons et les scorpions. Célibataire au couple, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde que vos proches aujourd'hui. Bon, pas de panique, c'est juste pour aujourd'hui lundi. Après, ça va s'arranger. J'espère. Mais j'espère aussi, mon pauvre poisson Cédric. Ah, oui. Poisson, scorpion, 0 et dans un instant les places par 2 à choper après Florida sur Skyrock. In my house, open up the champagne, pop, it's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down, we don't have to go out. Welcome to my house, play that music too loud. Show me what you do now, we don't have to go out. Welcome to my house. Welcome to my house. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control. face if you throwing it back. Another shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow hit the brakes, down hit the brakes, we don't have out. To go cheers to this. Welcome to my It's my house, welcome to my house. C'était Florida et après Florida. On va le prononcer à l'américaine puisqu'on était quand même en Floride. Les places de foot pour l'Euro, oui. Les huitièmes de finale, attention. Et c'est Kevin de Plaisir qui a été le plus rapide à nous laisser la bonne réponse. Allô Kevin. Salut Kevin. Salut. 22 ans dans le 78 et donc toi tu c'est connais ça. L'entraîneur sale. L'entraîneur sale, bah ouais. Qui a mis sa main dans son slip et qui s'est senti les doigts juste après. Bon, évidemment filmé à la télé. On va vous mettre les images là sur le difool.skyrock.com et sur tous les réseaux de Sky, le Facebook et tout ça. Oui. Alors quel est cet entraîneur, l'entraîneur de quelle équipe? C'est l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne, c'est Joachim Löw. Joachim Löw, exactement. C'est ça. Ouais, c'est le grand brun là avec l'arrêt là. C'est celui qui a les cheveux comme Mireille Mathieu, vous savez, la vieille chanteuse. Ouais, c'est vrai, ouais. Il est coiffé pareil. Là. Ouais. Super look année 70, mais pour les femmes, lui il a repris en 2016. Bravo Joachim. Voilà, bravo. Et il se touche la nuit qui doit sentir mauvais. Ouais. Oh. Il était là. Ah, ça sent très mauvais dans mon slip. Ça sent le pipi. Oh, ça sent le pipi dans le slip. Et le pire, c'est qu'il a fait les deux côtés. Hein. Il a fait le devant et après il s'est assis et il a fait le derrière. Oh, ça ah, ouais. Ah, il a senti aussi le derrière. Oh, ça sent la merde. Il a comparé quoi. Oh, il est sale. Ah. Bel entraîneur par contre. Ouais. Et oui, champion du monde lui. Hein. Et ouais. Quand même. Hein. Eh hey, Kevin. Je sais pas ce qu'il a. Il est tout plein de morpions. Tu es le champion de ce matin. Champion mon frère. Tu viens de gagner tes deux places pour aller au huitième de finale. Tu gagnes les huitièmes de finale. Ah ben oui, ça y est, c'est bon. Bah, on peut pas te dire le match, mais tu découvriras. Ah bah oui, tu découvriras. Bah, suivant les équipes qualifiées, éliminées, tout mais ça. Mais c'est les huitièmes pour toi. Bravo Kevin, félicitations. Hein. Bravo. Non, bah super, merci beaucoup. Merci et beaucoup, les huitièmes, tu joues dans quel stade? Ah, il y a plusieurs stades. Ouais, ah bah ça, stades. Merci. Ah bah oui. Là, on est bien avancé. Non, ça jouera ou à Saint-Etienne, ou à Lens, ou à Paris, ou à Toulouse. Ouais, tu as gagné le match de Paris. Bravo à toi. Bon. Félicitations. Bravo, bah, merci beaucoup. C'est super. Bravo. C'est super, merci Kevin, beaucoup. On a les places pour tous les matchs dans toute la France. Ouais. Ouais. Pour tous les huitièmes à gagner, pour tous les quarts, pour toutes les demi. C'est l'Euro. Et pour la finale. Ah bah évidemment, oui. Et ouais, car Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. La finale bravo. Avec la France. Salut Kevin. Bonne journée à toi. Merci beaucoup, Sky. Bonne journée. Et d'autres places à gagner à n'importe quel moment du morning. Soyez là demain matin entre 6h et 9h. Et puis on ne sait jamais, ça peut nous reprendre avant 9h. On a peut-être encore des places à gagner, mais tout de suite, on est premier sur le foot. Et voici notre réveil de star. Le réveil de star avec une grosse star de l'équipe de France. C'est Didier Deschamps, je vous l'annonçais. Oui. Didier Deschamps réveille les familles de France et on en a de la chance. C'est surtout Jean-Louis qui en a de la chance. C'est lui qui va se faire réveiller par Didier. Bonjour. Bonjour Didier, comment vas-tu? Ça va. T'as presque la même voix que lui, Romano, quand tu lui dis. Le vrai, c'est lui. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Ça va bien, très bien. C'est l'entraîneur de l'équipe de France. Didier Deschamps, tout de suite. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Et on file chez Jean-Louis tout de suite. Jean-Louis qui va parler à notre entraîneur. Didier. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ouais. Ça va bien. Bah, je sais pas qui c'est, là. C'est moi qui entraîne les joueurs. Entraîne les joueurs? Oui. Je suis l'entraîneur. Bah, l'entraîneur de quoi? Moi, je fais pas de sport. Hein. Tu fais partie de l'histoire du football français? Ouais, mais non, il y a une erreur, là. J'ai eu l'occasion de gagner beaucoup de titres. Attendez, je vais mettre le son. Voilà, mets le son. J'ai beaucoup d'humour et je pense qu'il vaut mieux le prendre comme ça. Ouais, mais moi, je suis pas trop un mec qui rigole non plus. Hein. Dans ma famille, on rigole bien aussi. Ouais, d'accord. C'est quoi ton numéro? Bon, écoute, bonhomme. Ouais. Si tu veux jouer avec moi, toi, tu sais que je m'appelle Jean-Louis, d'accord? Oui. Bah, si tu veux me voir, tu viens voir et puis on va causer, d'accord? Je dois m'inquiéter. Ouais, bah, tu verras bien quand tu seras là. Si t'aimes la plaisanterie, on va plaisanter tous les deux. Directeur du Club Med, hein? Bon, bah, écoute, tu me casses pas les couilles. J'en ai rien à foutre. Vous foutez pas de la gueule des gens, non? Chacun fait ce qu'il veut. Tête de con, là. Champion du monde.

diable s'habille plus en Prada. Morning de Difool. The morning show. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et du gros son pour se réveiller ce matin. On aura le nouveau Drake qu'on va écouter dans un instant. Il arrive avec One Dance. One Dance Drake. Et Mark Ronson et Bruno Mars. Ça va faire du bien ça. Upton Funk. Ouais. Et oui, parce que c'est la teuf ce matin. On a offert les places de foot à Kevin il y a un instant. Il a gagné les huitièmes de finale de l'Euro. Il y aura des places pour l'Euro, pour les demi, pour les quarts, pour la finale dans le morning. Restez bien là entre 6h et 9h. On exclut vos places Crédit Agricole à choper. On joue avec le Crédit Agricole, vous le savez. Ouais. Et on faufile vos places tous les matins. C'est à gagner sur Skyrock. Tenez-vous prêts. Dans un instant, vos 1 500 euros. Et je vous annonce le retour d'Info Mytho à 8h20 tout à l'heure pour gagner votre télé, la toute nouvelle Samsung. Qu'est-ce qu'on vous gâte ces temps-ci? 101 cm de bonheur. 101 cm pour regarder nos bleus. Ouais. Eh bien, on va reparler de nos bleus tout de suite avec les infos, le point sur l'actu avec Rémi. Mais d'abord, avant les bleus et avant le reste de l'actu, la météo pour aujourd'hui. Bon, ça va pas être super cette semaine. C'est pas bleu. Non, c'est pas bleu, ouais. Sauf sur le sud, est, mais vraiment pas bleu du tout. C'est pas terrible. Alors Rémi est très très content de sa blague. Hein. Non. Le ciel est pas super bleu, il a raison. Mais c'est bien Rémi. Bien. Et c'est encore agité en ce début de semaine sur le nord, le centre et l'est avec alternance d'averses, d'orages et d'éclaircies. Bon, c'est vrai que c'est plus calme et même plus ensoleillé dans les régions du sud, hein, aujourd'hui, même des Pyrénées au pourtour méditerranéen. Vous allez pouvoir en profiter. Les températures ce matin, 11 degrés à Aurillac, 12 à Rennes et à Clermont-Ferrand, 13 à Nantes et à Lille, 14 à Lyon et au Havre, 15 à Toulouse et à Paris, 16 à Bordeaux et 19 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 17 à Caen, 18 à Lille et à Rouen, 19 à Chartres, 20 au Mans et à Paris, 21 à Strasbourg, 24 à Lyon, 26 à Marseille et 28 à Avignon. Et puis la pollution, c'est plutôt bon. Les indices compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Toulon, Nice et Ajaccio. Et le point sur l'actu à 8h05, désolé du petit retard. L'actu, le sport, on s'occupe de tout ça et on vous offre 1500 euros juste derrière. Il est le nouveau visage de la terreur aux États-Unis. Omar Mateen, 29 ans, a fait irruption ce week-end dans une boîte gay à Orlando pour y faire un véritable carnage. Il a ouvert le feu et a tué 50 personnes et en a blessé 53 autres. L'agent de sécurité était autorisé pourtant à porter des armes. Il était même inscrit sur les listes des sympathisants démocrates et avait changé son nom pour l'américaniser davantage. L'individu était connu pour être instable et violent avec son ex-femme. Son père ne croit pas en un acte religieux mais plutôt à une haine viscérale contre la communauté homosexuelle. Il a en tout cas prêté allégeance à Daesh et à l'État islamique a revendiqué l'attaque hier soir. Barack Obama n'évoque pas le mot terrorisme, il préfère rester prudent et parle d'un acte de haine. Le candidat républicain Donald Trump l'appelle à la démission. La Russie et l'Angleterre menaçaient d'être exclus de l'Euro. L'UEFA monte le ton après les violences de ce week-end à Marseille. Un supporter anglais est toujours entre la vie et la mort à l'hôpital de la Timone. Les autorités craignent désormais que les Anglais et les Russes se croisent à nouveau dans le nord entre Lille et Lens. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve souhaite interdire l'alcool dans les périmètres sensibles. Les veilles et les jours de match, une demande a été faite au préfet pour prendre des arrêtés. Les grèves qui se poursuivent cette semaine dans le pays, la loi travail arrive au Sénat aujourd'hui. Une journée de mobilisation nationale est prévue demain à Paris à l'appel entre autres de la CGT. Encore quelques raffineries sont à l'arrêt ce matin. La grève des éboueurs se poursuit et ça continue aussi à la SNCF mais c'est quand même bien plus mesuré que la semaine dernière. 6 Transiliens sur 10, 1 Intercité sur 2 et 9 TGV sur 10 prévus pour aujourd'hui. Enfin rien à voir avec la loi travail mais le mouvement perdure chez Air France. Un avion sur 5 devrait rester cloué au sol ce lundi. On fait foot, évidemment, avec l'Euro et le Mercato aussi. La défense de l'Allemagne un petit peu poussive hier contre l'Ukraine. La Mannschaft, championne du monde, s'impose tout de même 2-0. Victoire pour la Pologne 1-0 contre l'Irlande du Nord et même score en faveur de la Croatie contre la Turquie. À suivre aujourd'hui, République Tchèque Espagne à 15h. La Suède de Zlatan contre l'Irlande à 18h à Saint-Denis. Et puis du côté de Lyon, eh bien on aura le choc entre la Belgique et l'Italie. Ce sera à 21h. Pas encore de... d'annonce officielle, mais Emery qui semble vraiment se diriger vers le Paris Saint-Germain. Le Sevenol a annoncé son départ du FC Séville. Le club l'a officialisé hier. Ses avocats font savoir que son contrat sera rompu dans la semaine et que la décision est irrévocable. Les jours de Laurent Blanc sont désormais comptés. Et puis au rayon Mercato également, le presque départ de Samuel Umtiti. Le défenseur lyonnais serait en passe de rejoindre le Barça. L'accord final n'a pas encore été trouvé, comme le rappelait hier Jean-Michel Aulas. Mais les discussions sont bien avancées. Le Dauphiné Libéré annonce un transfert de 30 millions d'euros. Voilà, de Lyon versus le Barça. Eh oui. Pas mal. Merci Rémi pour les infos et bonne chance à Umtiti pour la suite. On vous tient au courant. Hein. Vous êtes au courant du Mercato, de l'Euro. Et pour les 1500 euros, vous savez, il faut répondre Skyrock pour gagner. Hein. Eh ben oui, c'est l'heure. Aujourd'hui, c'est lundi. Et c'est le morning de Difool. The morning show. En direct sur Skyrock. L'heure de vous offrir de l'argent. Alors, je remets l'enveloppe à Romano, évidemment. Avec un bras, je ne peux plus ouvrir les enveloppes. Oui, hop, parce que Difool a toujours sa tendinite aiguë. Oui, c'est d'ailleurs, c'est pourquoi c'est pas dans les infos, ça, pour les nouvelles de ma tendinite. Mais Rémi va le mettre pour 8h30. Ouais, je fais une brève. On parle des nouvelles des Bleus. On dit que Bogba c'est pas entraîné hier parce qu'il est un petit peu fatigué et tout ça. Et on dit pas Difool, il a toujours un bras. Oui, mais bon, tu vas pas aller sur le terrain. Mais ouais, mais je suis quand même un des supporters principaux de l'équipe de France. Vous avez entendu vendredi soir, on a suivi le match, c'était super ça. Il dit qu'il n'a même pas pu faire la hola avec son bras. Non, je voulais faire la hola, j'ai pas pu le lever. T'es mis hola quoi. Et ouais, tu ne fais plus le hola, tu as une tendinite, tu fais plus tes hola. Terminé la hola. Bon, vivement mercredi, on suivra le match Albanie-France, France-Albanie de mercredi soir à 21h. Ouais. Bon, d'ici là, on a d'autres matchs à suivre et dans un instant, tu vas t'occuper justement d'un match qui aura lieu ce soir, Romano, à 21h. Le match qui a annoncé Rémi, ouais. Bah ouais, pendant l'émission. Belgique-Italie. Belgique-Italie et comment gagner de l'argent grâce aux Belges. Bah, la démonstration dans quelques minutes dans les conseils pas chers. Je lance un nouveau produit spécial Euro, spécial Belgique. Spécial Euro, spécial Belgique. Les Belges à l'honneur ce matin. On les adore. Bah oui, que ce sont les diables rouges. Oui, bah qu'avant d'aller faire un tour en Belgique, qu'on va aller en France. C'est l'heure des 1500 euros. Le jeu des 1500 euros. 100 euros, c'est 1500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. Mais oui, 1500 euros à gagner tout de suite à 8h09. Ouverture de l'enveloppe et direction quelque part en France pour vous offrir des sous ce matin. Qui va gagner 1500 euros peut-être? Alors attention. Qui est-ce qui est dans l'enveloppe? Nous allons dans le 18. Le 18, le Cher. Ouais, j'aime pas trop. Bien cher. Bah, t'aimes pas trop, mais c'est le nom d'un département, c'est Bourges, tout ça. Et nous allons à Étrechy. Étrechy, tiens. Étrechy chez Sabrina Guéry. Nous allons donc chez Sabrina Guéry à Étrechy. Étrechy dans le 18, dans le Cher. C'est parti. On y va, il faut répondre Skyrock quand on vous appelle et qu'on vous parle radio au téléphone. Ouais. C'est comme ça que ça marche pour les 1500 euros. Allô, allô, allô. Sabrina. Bonjour Sabrina. Oui. Bonjour. C'est la radio. Bonjour. Sabrina. Oui. On est en direct à la radio. Tu es en direct dans toute la France, Sabrina, et on t'appelle pour t'offrir des sous. J'ai entendu. T'écoutes. J'écoute. Tu écoutes une super radio, toi, le matin. C'est alors super. Attention. Sabrina, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben, c'est la bonne. Bravo. Ouais, bravo, Sabrina. Bien joué. Tu viens de gagner en direct sur Skyrock 1500 euros, Sabrina. Merci beaucoup. De rien, Sabrina. Présente-toi un petit peu. T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Tout alors, ça. Alors, j'ai 27 ans. J'habite à Étrechy. Je suis chauffeur taxi. Ah, bah une taxi qui nous écoute. Bah toi, c'est bien comme métier parce que tu peux écouter la radio toute la journée. Ouais, c'est pratique ça. C'est ça. Voilà. Chose que tu peux pas faire, par exemple, quand t'es en cours. Quoique. Ouais. Ah, quoique. C'est plus risqué, on va dire. Bravo en tout cas. Eh bien, t'es déjà dans ton taxi ce matin? Oui, là je roule, là je pars juste à l'instant. Eh bien, en direct du taxi, Sabrina, tu vas pouvoir mettre Skyrock à fond la caisse et puis penser à tes 1500 euros. Parce merci, que tu as gagné tes 1500 euros. Tu vas faire quoi avec? Là, je sais pas. Pour l'instant, je. Oui, déjà, il faut. La famille, faire passer la famille en premier. Oh, voilà, c'est mignon. Ouais, faut déjà assimiler le fait que t'as 1500 euros en plus. C'était pas prévu, mais c'est comme clair. Ça avec Skyrock, c'est la petite surprise. Non, mais ça fait du bien. Ça fait toujours du bien. Merci beaucoup. Ben, c'est gentil comme tout, Sabrina. Eh bien, on salue les taxis qui nous écoutent. Allez, on taxi salue. Taxi Bernal, faites de la pub. Alors, les taxis Bernal. C'est ça. Eh bien, on salue les taxis Bernal. Salut les taxis Bernal. Eh bien, grosse bise à toi, Sabrina. Raccroche pas, le chèque de 1500 euros arrive chez toi. Merci. À Étrechy, dans le Cher, et 1500 euros, c'est bien cher. Ah ouais, bien cher. Ouais. Bravo à toi, Sabrina. Raccroche pas. Merci. Et faites comme bonne Sabrina. Journée. Bonne journée à toi, bonne Sabrina. Journée à tout salut. Merci. Super, ça. Salut. Bah, faites comme elle. Hein. Répondez Skyrock quand on vous appelle. Vous gagnez 1500 euros cash tous les matins dans le morning, 8h12. Le morning de Difool sur Skyrock. The morning show, les shows, les shows. Premier sur le cash. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow. Make you lose control. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance, Drake sur Skyrock, encore une découverte Sky, il est 8h15. Ah, on n'est pas en avance pour tes conseils pas chers, dis donc Romano. Ah bah c'est ce que je vois, oui, le temps file. Et j'entends la musique du foot, comment gagner de l'argent grâce à l'euro. Eh bien, et grâce ce soir, aux Belges, oui, ce soir, ils sont là. À 21h, ouais. Belgique-Italie à suivre dans la radio libre, bien entendu. Oui, on suivra ça en direct. Cédric, tu mettras ton maillot belge, t'as le droit aujourd'hui. Mais bien sûr. Oui, parce que vendredi, c'est trompé, c'est-à-dire qu'on soutenait tous les bleus, il y en avait un qui n'était pas habillé en bleu. L'intrus. C'est Cédric qui est venu avec son maillot de l'équipe de Belgique, les Diables Rouges. On lui a expliqué que c'était pas le bon match. Non mais de toute façon Cédric a passé la soirée à bouffer vendredi soir. C'est bien une minute le match, il bouffait lui. Si vous avez rien à foutre de l'euro, vous avez au moins quelqu'un qui vous représente dans l'équipe, c'est Cédric. Bah ouais, grave. Il comprend rien du tout, c'est qu'il a pas levé le nez de sa pizza et tout ce qu'il fait. Ah mais il a tout bouffé, il a acheté pizza du japonais, même oui, il y a eu tout. Ouais. La totale quoi. Non mais j'ai compris qu'on a gagné. Ah, c'est bien Cédric. En tout cas, ce qui est bien c'est que vendredi soir t'as fait fonctionner l'économie de la livraison de bouffe. Ah ouais. Parce que toutes les 10 minutes, Cédric il y avait un livreur qui lui amenait un truc. Ah mais c'est du fou, il avait fait un sondage, il a dit que les bleus pendant les matchs des bleus tout le monde bouffait des pizzas, des conneries. Bah, ah bah justement, en parlant de pizza, la pizza, bon, c'est un des plats les plus consommés pendant l'euro. Et ce matin, avec la bière. Ouais. La pizza préférée des Français, tu sais, c'est la 4 fromages. La 4 fromages. Ah, j'aime bien les potes à 4 fromages. Ouais, mais c'est vrai que j'ai plein de potes qui prennent des 4 fromages. Ouais, j'aime bien, moi. La reine, c'est celle avec du jambon et des petites olives. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Moi, sinon, j'aime bien la 4 saisons, moi. La 4 saisons, c'est très bon, c'est avec plein de petits légumes. Eh ben voilà. Eh bien, ce soir, pour l'équipe de Belgique, je lance la pizza moule frite. Non. Oh, immonde. Ah, une très bonne idée pour nos amis belges. Eh ben, attends, vous aimez les pizzas Bah oui. Vous aimez les frites, les Belges. Oui. Et les moules. Eh ben, pizza moule frites. Eh bien c'est voilà. Parti. Tu aimes les pizzas, les frites et les moules. Voici tes conseils pas chers, amis belges. Allez, que c'est parti, musique. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Mais oui, il faut innover pour 7 euros. Et que je mets en plus un pack de bière de la Jubilère. Ce qui est la bière belge, la bière la plus consommée en Belgique, et la Jubilère. Bah oui, qu'on adore la Jubilère. Et oui, que c'est parti, que nous allons donc chez les Belges. C'est avec, ça, ouais. Avec notre pizza moule frites. Ouais. Les Belges qui sont favoris pour le match de ce soir face à l'Italie. On suivra ça en direct. Allez. Allez, les Belges. Allez, les Belges. C'est quoi, vous avez un chant, les Diables Rouges hein? Bah oui, j'imagine. Ah, tu connais même pas? Oui, bonjour madame. Quel supporter en carton. Oui, bonjour, que c'est la pizzeria, l'appareil. Vous êtes? La pizzeria. Vous savez là le truc où on fait des machins ronds avec des trucs dessus. La pizzeria, vous voyez ce que c'est une pizza, c'est comme une tarte. Oui, il y a une pâte dessous et puis dessus on met des trucs dessus. Là, je comprends absolument rien. Mais non. Attends, juste une question Cédric, en Belgique ça s'appelle une pizzeria. Bah oui, une pizza. Ils savent ce que c'est. Mais il y en a. Ah, bah oui, on sait. Non, non mais t'es non, pas mais bon, attends, t'as raison de demander Romano. La première l'impression de lui annoncer un truc La pizzeria, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allô. Allez, chez François. Oui, bonjour François. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur Van Der Pin, c'est l'appareil, je travaille à la pizzeria. Bonjour. Vous savez que ce soir, la Belgique joue contre l'Italie pendant l'Euro. Allez, la attendez, je vous entends. Reprenez un petit peu, s'il vous plaît. Oui, que je reprends un petit peu, que s'il je suis monsieur Van Der Pin de la pizzeria, et que oui. Ce soir, vous êtes au courant qu'il y a un match de l'Euro, Belgique-Italie. Oui. Et qu'à cette occasion, nous lançons pour une première mondiale la pizza moule frites. Oui. Eh bien que je vais vous en amener une ce matin pour goûter. Pour vous faire une petite dégustation des bonnes pizzas à moules frites. Non, je ne plains pas maintenant, monsieur, c'est gentil. Mais... Non, mais vous la gardez pour ce soir, vous la foutez au micro-ondes, ça va être délicieux, les moules au micro-ondes, les frites au micro-ondes et la pizza au micro-ondes ce soir pour regarder le match. Oh là oui. Là là là, vive les Diables Rouges. Et n'oubliez pas la bière également, une jubilaire en cadeau. Une jubilaire. Mais non, merci, c'est gentil, mais non, c'est allez, fais gentil. Pas chier, prends-la, allez, les Belges. Que je te le fais les... Bonne journée. Que je te fais les deux pour 50 euros. Allez. Non, la prendre la pizza. Que t'as dit oui, que tu vas la prendre. Hein. Ah non, merci. Ah si, que gentil. Tu vas la prendre dans la gueule. Oh, qu'il est énervé le petit livreur de pizza non, avec mais, sa pizza moule frite. Il va la prendre dans la gueule, la pizza, la moule frite. Et ouais, on nous dit que ça existe déjà, qu'il y a déjà des auditeurs. Tiens, un auditeur du Nord, juste à côté de la Belgique, qui a déjà vu une pizza moule frite. Ah, la ouais, pizza en Belgique, ils appellent ça la roue. Allô. Oui, allô, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour, que c'est le marchand de roues à l'appareil. Les pizzas. Les roues. On va faire une pizza pour vous. Une pizza ronde, une pizza moule frite, spéciale Belgique. Avec en cadeau. Une pizza, oui. Une pizza, oui. Vous voyez ce que c'est, le truc rond, là. Avec une pâte dessous et des machins dessus. Comme une tarte. Mais c'est pas tout à fait pareil. Comme on met des champignons. Je comprends. Qu'est-ce que tu connais pas que tu veux, quand tu veux qu'on t'amène la pizza. Allez, que je t'amène une bonne pizza moule frite avec une jubilaire en cadeau. Ah, pour encourager les Diables Rouges. Bien sûr. Ben oui, qu'on va t'amener ça et que la pizza dans la gueule. Hop. Voilà. Oh. Et que je te dirai, we are Belgium. Je reconnais David, son rire là derrière. Mais oui. Qu'il est là, qu'il a fait une pizza pour toi ce matin. Ben oui, que j'ai fait une belle pizza. Eh oui. Que je te l'amène, ma chérie. Oui, amène ça. Allez, que tu me donneras. Dédicacée. Oui, mais je te vais te faire une pizza dédicacée. Oui, ça va mieux. Oui, je vais marquer un truc au marqueur sur la pâte dessous. Je crois qu'elle voulait des cafés, non? Une pizza au café. Non. Pourquoi pas. Bon, allez, on va te verser un expresso dessus. Ça puis passe, tout va bon. Bien. Ouais. Écoute, tout est faisable. Je t'amène ça, ma chérie. Je suis là dans 8 minutes. 8. Avec la pizza et ça sera 50 euros avec la jubilaire en cadeau. Parfait. Eh ben, c'est nickel. Eh ben, à tout à l'heure. Suite, ouais. À tantôt. À tantôt. Et we are Belgium. Eh oui. Vive les Diables Rouges. Allez. Je comprends pas le. Allez, Belgium, les Diables Rouges. Allez. À tout de suite. À tout de suite. Et on va danser un peu en attendant. Allez, viens danser avec nous. Quel hôtel la veut, sa pizza moule frite, hein. Et voilà, c'est le business de l'euro sur Sky. This shit, that ice cold. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls. Them good girls. Straight masterpieces. Styling, violin. Living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Some nigga in it. Take a sip. girl, set you hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Ooh. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Just watch. Mark Ronson et Bruno Mars. Uptown Funk, c'est bon ça. Ah oui, c'est bon. C'est marrant, ça me rappelle l'été ça. Eh ouais. L'été qui arrive. Alors pas cette semaine au niveau de la météo, j'ai vu. Non, pas des masses. Non, j'ai vu, c'est pas des morts. Si vous avez du soleil, profitez-en. D'ailleurs, envoyez-nous des photos pour nous faire rager, vous aimez bien ça. Ceux qui ont du soleil, envoyez ça sur l'appli Skyrock. Et d'ailleurs, en parlant d'appli Skyrock, vous allez pouvoir jouer avec nous. C'est l'heure d'info ou mytho et une nouvelle télé à gagner. La télé Samsung 101 cm. 4K, oui. Ultra HD, smart, connecté, smart, tout, connecté, ouais. Oui, également. Smart, ouais. Smart TV. Hein. Smart TV, la dernière Samsung à gagner, elle est pour vous. On joue à Info ou Mytho, deuxième série d'Info ou Mytho de ce matin, avec une petite info football, une petite info euro. Voici l'info du jour sur Gareth Bale. Vous connaissez Gareth Bale? Ouais. C'est un Anglais, non? Non, c'est un Gallois. Ah, Gallois. C'est un Gallois, Gareth Bale. Ouais. Et il joue au Real. Bien, bravo l'équipe. Il avait coûté bien cher, lui. Il a dû coûter très cher. Il a coûté très cher, Romano. Ouais, c'est ça, ouais. Romano connaît tous les joueurs. Mais en fonction de ce qu'ils ont coûté, parce qu'il adore ça. Non, mais je me souviens qu'elle avait été transférée, on en avait parlé dans la radio libre et il coûtait bien cher. Alors l'info que je vais vous donner, c'est Gareth Bale qui a eu un souci avec un supporter qui est venu le voir, un supporter du Pays de Galles qui était un peu éméché. Il n'y a pas que les Russes, il n'y a pas que les Anglais qui étaient bourrés, les Gallois aussi. Le mec s'est pointé vers lui, lui fait hey, t'as intérêt de marquer, toi, avec ta tête de singe. Oh, et à ce moment-là, Gareth Bale, comme tout. Gareth Bale s'énerve, lui fout un coup de boule et lui casse le nez. Voilà. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est un mytho? Il casse le nez à un supporter qui l'a traité de singe, c'est pas gentil. Ouais, mais faut pas casser des nez quand même, Gareth. Faut y aller mollo, oui. Bah, il a exercé sa tête, quoi. Ouais, c'est ça, bim. Quoi. Bah oui, ça peut servir la tête pendant l'euro, hein. Ouais. Surtout pour un joueur de foot. Vous nous dites si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce qu'il a donc défoncé le nez d'un supporter qui le traitait de singe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si c'est vrai, vous envoyez info au 41759. Si c'est faux, vous envoyez mytho et je vous donne le top officiel. Top, c'est à partir de maintenant qu'on prend vos réponses. N'oubliez pas vos numéros de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler si vous avez trouvé la réponse. Et dans un instant, vous tentez la télé. La télé Samsung a gagné sur Skyrock. On joue à Info ou Mytho à 8h25 sur Sky. Salut, c'est Magali de Voté Blog. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil? Là, tout de suite, coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pros à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles? Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par des conseillères Sephora selon disponibilité. Maman, tu me racontes une histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. C'est quoi? C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Bah, tu lui racontes quoi là? Une belle histoire. Ah, oublie pas celle du pneu Pirelli 16 pouces à 65€ seulement. Ah, si toutes les histoires finissaient aussi bien qu'une offre Volkswagen. En ce moment, pour 4 pneus achetés, on vous offre le maillot des bleus. Prenez rendez-vous sur volkswagen.fr/RDV. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 13 juillet chez les partenaires participants. Conditions sur volkswagen.fr. Maillot offert pour 1 euro de plus. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Nous, rugby, le ballon, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Bah nous, au foot, le ballon, on trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça? Ah, subjugant. Jusqu'au 19 juin chez Sport 2000, le ballon France est à moins 50%, soit 9,95€. Sport 2000. Ça match. Conditions sur sport2000.fr. Avec les offres Trilogy, vous avez 3 bonnes raisons de rouler enfin en BMW. Un taux de financement exceptionnel, 3 ans d'entretien offert et la garantie étendue à 3 ans pour 1 euro de plus. Uniquement sur des occasions sélectionnées par votre concessionnaire BMW. Offre Trilogy jusqu'au 18 juin chez votre concessionnaire BMW Premium Sélection. Offre limitée à 300 dossiers. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Financement de 12 à 48 mois sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Voir conditions sur bmw.fr. Leclerc. Maman, la lessive liquide extra, c'est vendu en pack de 3 maintenant? Oui, chez Leclerc. Mais sur 3 flacons, t'en as un gratuit. En plus, ce pack est un produit partenaire du jeu La Ligue des Supporters. Et pour 3 produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner un sac de sport. Ah, oh, c'est cool! C'est parce qu'il y a des produits dont on ne peut pas se passer que du 15 au 25 juin chez Leclerc, le pack de 3 flacons de lessive liquide extra 43 lavages, variété au choix, est à 11,95€ le lot, soit 1,32€ le litre. 20 modalités dans les magasins participants. Produits dangereux et irritants, respectez les précautions d'emploi. Un jeu qui fait le linge plus propre et moins cher, c'est top! Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux? Un bon à parier Quintet Plus offert? À votre tour d'être si heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et si on regardait 8 matchs de l'UEFA Euro 2016 en Ultra HD sur TF1 et M6? Moi, hier soir, avec l'Ultra HD d'Orange, j'ai clairement vu que l'attaquant avait marqué avec la main. Moi, avec l'Ultra HD d'Orange, j'ai même vu que c'était avec l'annulaire. Et t'as remarqué qu'il avait une French manucure? Bizarre pour un joueur allemand. Ouais. 8 matchs de l'UEFA Euro 2016 en Ultra HD sur TF1 et M6 en exclusivité avec la nouvelle Livebox. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à condition en France métropolitaine sous réserve d'éligibilité avec offre fibre et téléviseur compatible. Conditions sur orange.fr. Morning de Difool. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et oui, c'est nous avec vos télés à gagner tous les matins. On vous offre vos télés pour regarder l'Euro et regarder ce que vous voulez aussi. Hein. Vous n'êtes pas forcé à regarder que les matchs de l'Euro. Elle pourra vous servir après et avant d'ailleurs. Ouais. La télé Samsung a chopé ce matin. Samsung, c'est pas difficile à dire pourtant. Hein, Alexandra, non. Tu la veux ta télé Samsung hein. Ah oui. Elle est pour toi ce matin. Alors, attention, info au mytho. Avec Romano d'un côté, alors Romano qui nous appelle en direct de son lieu de reportage ce matin, envoyé spécial. Mais où es-tu Romano? Allô? Oui. Eh bien je suis à Berlin. Mais tu étais là il y a deux minutes, comment t'as fait pour aller à Berlin? Ah bah j'ai été très vite. Je reconnais ce petit écho, t'es où dans la salle de bain ou dans les toilettes? Je parierais sur les toilettes. Bah pour faire mes besoins c'est mieux que la salle de bain. Bien vu Romano, bien, c'est mieux que la baignoire hein. Ouais, c'est mieux, la cuvette. Le lavabo il était trop, j'y arrivais pas. Ah, t'es trop petit. Ouais. Bon alors Romano va jouer avec toi Alexandra, Cédric, okay. Non c'est Cariole qui joue avec toi aussi. Ouais, c'est moi. Et attention il y a un mytho parmi les deux. La petite question que je posais il y a un instant quand même, la question de sélection, c'est la question sur Gareth Bale. Gareth Bale qui a cassé le nez d'un supporter. Alors il a cassé le nez d'un supporter gallois parce que le mec était venu le voir en lui disant: et toi avec ta tête de singe t'as intérêt de marquer. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Non, mytho. Ah oui, mytho. Il a cassé le nez d'un supporter, ça c'est vrai. Mais tout simplement en tirant. Alors il a tiré très très fort, le mec s'est pris le supporter s'est pris le ballon en plein visage. Bon, c'était involontaire, mais le nez est cassé hein, quand même. Gareth s'est excusé auprès de son supporter. Mais c'est quand même la classe de se faire casser le nez par un footballeur. Ah bah ouais. Tu m'étonnes. Ouais. Un footballeur du Real de Madrid et de l'équipe nationale du Pays de Galles. Oh bah surtout tu portes plainte et puis tu te fais de l'oseille, non? Ah toi tu en sais. Direct. Quand le mec il est plein de sous donc. Ah moi je pensais au bonheur de pouvoir dire à tes potes: regarde mon nez il est cassé, c'est Gareth Bale qui me l'a pété. Et toi, Difool, c'est quel joueur qui te l'a pété ton nez? Moi, c'est une porte du Quick. Ah, c'est pas un joueur. Eh ouais, une porte du Quick qui s'est vengé contre moi. Alors, Romano, t'es prêt pour un fond? Vas-y, comme vous voulez. C'est parti, on y va. Carole, t'es prête aussi? Bien sûr. Écoute-les bien, Alexandra. Attention, tu détectes le mytho, okay, en la télé. Info, mytho. Qui dit vrai, qui dit faux? Et votre télé Samsung a chopé pour toi Alexandra. Écoute bien l'info de Romano pour commencer. Et attention, l'histoire se passe à Berlin. Là jusqu'au 18 septembre, il y a une exposition. Mmh. Et il y a une statue qui fait un peu scandale parce que c'est Kim Kardashian qui est exposée. Donc il y a la statue de Kim Kardashian. Putain, il faut un paquet de pierres hein, pour le cul de Kim Kardashian. Hein. Ah oui. Alors les mecs ont détruit les Alpes pour créer le cul. Petite particularité, à la place de sa tête, en fait, ils ont mis son cul. D'accord. Et la statue fait scandale parce qu'elle a été exposée au milieu de Berlin et les gens qui passent à côté sont scandalisés, disent pourquoi il y a ce genre de statue qui a été installé, c'est horrible. Oui, c'est vrai qu'une tête de cul comme ça, c'est... C'est info ou c'est mytho? Info ou mytho pour Romano, t'as bien entendu la tête de cul de oui. Kim Kardashian. Ouais. Et on passe à Cariole maintenant. Bon, on va parler des plus grands pieds du monde. Oui. Alors c'est Jason Orlando Rodriguez Hernandez. Il mesurerait du 61. Putain, il a déjà un nom à rallonge, mais il a des pieds à rallonge aussi, lui. Là, 61. Ouais. 61 de pieds. J'espère que pas des pieds. Vous imaginez le truc. Ah, terrible. Alors l'homme aux pieds les plus grands du monde fait du 61. C'est la faute Cariole. Et le cul de Kim Kardashian à la place de sa tête en Allemagne, c'est la faute Romano. Qui dit vrai, qui dit faux, Alexandra? Je dirais Romano info et Cariole mytho. Moi j'aurais dit l'inverse parce que le cul de Kim Kardashian, je te dis, t'es obligé de détruire les Alpes pour ça. Tu retrouves, t'y arrives pas. Bah ouais. Pas le budget. Romano alors? Eh bien malheureusement c'est perdu. Je le sentais. Ah là là, c'est perdu, c'est perdu. Je le sentais. Mais tu pars quand même avec ton maillot de l'équipe de France ou de n'importe quelle équipe du monde. Ou alors ton jeu. Tu pourrais supporter l'Italie pour ce soir. Hein. Mais ce soir je supporte l'Italie. Italia. Italia. Voilà. Et Cédric, je te rappelle, tu supportes la Belgique. Cédric hurle Italia, il est belge. Tu comprends vraiment rien au foot, Cédric. C'est définitif. Définitif. Tu comprends rien. Rien. Soir, j'ai mon maillot, ma perruque de la Belgique, t'inquiète. C'est bien, mais pour l'instant tu n'as pas l'air d'un con, tiens. On aurait dû le mettre ce matin, on aurait bien rigolé aussi. Bon Alex, on t'envoie tes maillots, puis tu peux rejouer quand tu veux avec nous. Ok, ça va. Gros bisous Alexandra. Bisous à toi. Bisous. Et je vais quand même vous donner la vraie info. Oui, bah oui, c'est pas Kim Kardashian. C'est pas Kim Kardashian. Il y a une statue de Rihanna qui a été installée, mais une Rihanna géante. Ouais. Mais alors particularité, en fait, Rihanna n'a plus de tête. Oh. Ils avaient pas assez de pierres. Ouais, c'est ça. Donc en fait, t'as le corps de Rihanna avec ses tatouages. Et tout ça, il n'y a pas la tête, et c'est inspiré de trucs grecs, de la mythologie grecque. Très bien, allez, c'est l'artiste qui a fait ça, bon, qui a un peu barré, voilà, il a dit ouais, c'est un truc grec. Hein, ouais, c'est ça, t'as raison. Un truc grec, mais sans tête. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, Rihanna, tiens, bah justement, on en parle. Les places de concert pour la tournée Skyrock de Rihanna en France, avant 9h du matin. On fait tourner votre roulette, tenez-vous prêts, vous voulez gagner vos places pour Rihanna. C'est sur Sky, évidemment. Il est 8h34 et sur Skyrock, c'est l'heure des infos. Bienvenue à Rémi qui fait son entrée avec une météo toute pourrie aujourd'hui. Oh oui. Qu'est-ce qui se passe du côté du ciel? Et il paraît que c'est pour toute la semaine. Hein. Bah ouais, c'est vrai que ça va pas être terrible. En tout cas, on verra. Mais pour aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que c'est encore agité sur le nord, le centre et l'est, avec alternance d'orages, d'averses, d'éclaircies. En fait, ce sera vraiment calme et ensoleillé seulement sur les régions du sud, des Pyrénées au pourtour méditerranéen. Les températures ce matin dans le nord, comprises entre 11 et 15 degrés, 13 à Lille et 15 à Paris, de 12 à 19 dans le sud, 14 à Lyon et 19 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 16 au Havre, 18 à Lille, 19 à Blois, 20 à Nantes et à Paris, 21 à Auxerre, 23 à Montauban, 24 à Lyon, 26 à Marseille et 29 à Nîmes. La pollution, ça va aujourd'hui, c'est bien, on respire bien. Les indices sont compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Toulon, Nice et Ajaccio. Et le point sur l'actu, tout de suite, l'actu et le sport sur Sky. Carnage en Orlando en une de 20 minutes, une nouvelle plaie béante pour Libération, nuit d'horreur selon le Parisien ou encore la terreur et la haine pour le Figaro, la presse française et plus largement la presse mondiale évoque ce matin la pire tuerie des États-Unis depuis le 11 septembre. Omar Mateen, un natif new-yorkais d'origine afghane, a fait une véritable boucherie dans une boîte gay d'Orlando en Floride. Le bilan fait état de 50 morts et 53 blessés. L'auteur des faits a prêté allégeance à l'État islamique en appelant le 911 et Daesh a d'ailleurs revendiqué l'attaque hier soir. Une attaque qui tombe en pleine campagne présidentielle. Barack Obama dénonce un acte de haine et appelle à encadrer le commerce des armes à feu. Le candidat républicain Donald Trump demande au président d'utiliser le terme de terrorisme islamiste et l'appelle à démissionner. Dans son programme, le milliardaire propose d'interdire le territoire américain à tous les musulmans. L'UEFA va-t-elle virer la Russie et l'Angleterre de l'Euro? On n'en est pas encore là, mais la menace pourrait devenir réalité si les violences entre supporters se répètent. Et des heurts ont éclaté ce week-end à Marseille, principalement sur le Vieux-Port. Un supporter anglais est toujours entre la vie et la mort. Les autorités craignent désormais que les Anglais et les Russes se croisent à nouveau entre Lille et Lens. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, souhaite interdire l'alcool dans les périmètres sensibles, les veilles et les jours de match. Une demande a été faite au préfet pour prendre des arrêtés. Par ailleurs, on vient d'apprendre qu'un supporter irlandais est mort hier à Nice. Il aurait chuté de 8 mètres alors qu'il était en état d'ébriété. Un nouveau candidat qui se lance dans la course aux primaires de la droite, Henri Guénon, annonce ce matin qu'il se présente parce qu'il a quelque chose à dire. L'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy est le 12e candidat déclaré à cette élection qui se tiendra en septembre. Un petit rappel, demain c'est la journée mondiale du don du sang. Skyrock s'associe à l'établissement français du don pour l'occasion. Inutile de vous rappeler que le don sauve des des vies et qu'au final, eh bien, ça ne prend que quelques minutes pour faire une bonne action. Donc forcément, bah, allez-y. Hein, de nombreuses collectes sont organisées toute la semaine, dont une jusqu'à mercredi sur le parvis de Notre-Dame. On parle sport, résultat de l'Euro évidemment, l'entraînement des Bleus aussi et un peu de voiture avec la Formule 1. L'Allemagne en rodage hier contre l'Ukraine. La Mannschaft championne du monde s'impose 2-0. Victoire pour la Pologne, 1-0 contre l'Irlande du Nord. Et même score en faveur de la Croatie contre la Turquie. Aujourd'hui, trois matchs à suivre. On aura la Suède contre l'Irlande à 18h. Zlatan est de retour. Et voilà, du côté de Saint-Denis, plutôt la République tchèque qui défiera l'Espagne à 15h sur Toulouse. Et puis ce sera à suivre en direct dans la radio libre dès 21h. La Belgique contre l'Italie du côté de Lyon. Pogba aménagé hier à Clairefontaine. Les Bleus se sont entraînés hier en fin d'après-midi. Entraînement léger. Hein. Pogboum a eu le droit à une séance individuelle en salle. Koscielny et Matuidi ont juste fait l'échauffement avant de rentrer au château. Pas vraiment d'indication pour le match de mercredi contre l'Albanie, hormis le fait que Didier Deschamps a conservé sa défense avec Sagna, Rami, Evra et Kanté. Et puis de la Formule 1, une nouvelle victoire pour Lewis Hamilton au Canada. Cinquième succès pour le Britannique au volant de sa Mercedes. Il termine devant la Ferrari de Sébastien Vettel et la Williams de Valtteri Bottas. Nico Rosberg reste en tête du championnat du monde, mais avec seulement 9 points d'avance sur son équipier Hamilton. Merci Rémi pour les infos. Il est 8h38 sur Skyrock. Aujourd'hui, c'est lundi, et c'est le morning de Diffoul. The morning show! En direct sur Skyrock. Et bon lundi, bon début de semaine. Une semaine qui a bien démarré pour Kevin. Il a gagné ses places de foot tout à l'heure pour les 8e de finale de l'Euro. Oui. Bravo, bravo Kevin. Les places à gagner, c'est tous les matins entre 6h et 9h. Toute la semaine, vous gagnez les 8e, comme Kevin, ou alors les quarts, ou alors les demi, ou même la finale. On vous offre tout ça sur Skyrock, on exclut. On a tout. C'est avec le Crédit Agricole, les places Crédit Agricole à filer et à gagner tous les matins. Pour vous, tenez-vous prêts. Des places pour Rihanna aussi, parce qu'on a du foot, mais on a également du gros son. Et oui, la grande Rihanna, fallait pas si grande que ça, mais grande par le talent. Elle arrive avant 9h du matin, les places à choper. Ce sera pour vous, je vous donnerai le top pour la roulette. Bon, retour de Zlatan, ce soir, ça va être marrant. Ouais, ça y est, ouais. Zlatan, ouais. Plus modeste que jamais. Il a donné une interview, Zlatan, il fait la légende de retour. Ah bah ça, il m'a fait ça. Connais bien France, légende retour, ouais, ce soir, bien. Tout gagné. Ouais, ben bah, on verra ça sur le terrain. Veux transmettre à mes coéquipiers mon génie. Bah on aura les résultats quand on démarrera l'émission ce soir. C'est vrai, ouais. Irlande-Suède, hein, c'est ça le match, hein. Ouais, c'est ça, c'est à 18h. Voilà, ouais. Voilà. Bon, donc, par contre, c'est sur une chaîne payante. Ce que j'ai adoré, moi, c'est Zlatan qui dit je vais transmettre mon génie. Ah, bah, forcément. Je vais transmettre mon génie à mes partenaires. Ouais. Voilà. Partenaires ouais. Oui, c'est ça, Zlatan. Zlatan, le retour. Ce soir, Belgique-Italie. Et là, on va parler d'un autre sujet complètement différent. Voici les petites bestioles qui vont nous embêter cet été. Les moustiques. Et on parle des moustiques avec les crues, vous savez, avec les inondations. Invasion de moustiques. Ah, il y a des remontées de draps aussi. Ouais, avec la reine. Alors ça, remontée de draps, avec la grève des poubelles. Pareil, remontée de draps. Ah bah ça va être sympa les villes. Oui. Dites-nous s'il y a encore la grève des poubelles chez vous d'ailleurs, parce qu'on va peut-être aller faire un tour chez vous d'ici quelques instants. Et lutter contre les moustiques. Alors les moustiques qui sont dans le sud de la France, ça vous avez l'habitude, mais qui sont remontés très haut dans le nord aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Avec les inondations et tout ça, les moustiques prolifèrent. C'est un gros moustique qu'on vous a fait là. Bon, si vous avez votre petite méthode à vous pour vous débarrasser de ces bestioles qui viennent vous prendre la tête. Ah, t'as, y en a un. Là. Ah. Attends, bouge pas. Elle est sur ton front, Romano. Aïe. Il est sur ton front. Bah, il était, ouais. Écrasé, là, maintenant. Je l'ai niqué, t'as vu? Tu es fort, Diffoul, avec un seul bras en plus. Bon, et puis il faut faire attention parce qu'il y a l'épidémie Zika, là, l'espèce de maladie des moustiques. Ouais. C'est quoi avec les moustiques tigres, ça? Oui, les moustiques tigres. C'est avec les moustiques qui font. Bon, dites-nous, et puis. Quels sont. Ça, c'est un moustique tigre. C'est terrible, ceux-là. Attention, faut faire gaffe. Hein. Voilà. Quelles sont vos méthodes pour vous débarrasser de tout ça? On en reparle dans un instant. Invasion de moustiques, invasion de rats un petit peu partout en France. Les bestioles arrivent. Ouais. Il y a tout le monde en France pour l'euro, hein, c'est ça, la folie de l'euro, même les bestioles arrivent. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. just rushing on. I don't need no reason. Don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere. Sur Skyrock, on écoutait Justin Timberlake à 8h44. Avant d'avoir vos places pour Rihanna, mais tout de suite. Et puis le réveil de star aussi, je ne vous ai pas dit, nouveau réveil de star. Quelqu'un du football. Alors après Didier Deschamps tout à l'heure, je vous présente immédiatement celui qui va réveiller les Français dans un instant. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? À bientôt. Non, attends. Non, faut pas partir tout de suite, on a besoin de toi avant 9h. C'est Christian? Oui, Romano, Christian, bien Jean-Pierre. Joué. Christian Jean-Pierre, tu l'as bien reconnu. Et il t'a reconnu, c'est un fan, Romano. C'est gentil. Je regarde téléfoot le dimanche. Hein. C'est gentil. À tout de suite après une page de pub. On n'est pas sur TF1, il n'y a pas de page de pub tout de suite. Ne bouge pas, Christian Jean-Pierre. Christian Jean-Pierre, qui va réveiller les familles de France. Merci d'avance, Christian. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais on revient, hein. Attends, Christian, on reste là, ouais. Avant 9h, Christian Jean-Pierre réveille la France. Mais avant Christian Jean-Pierre, parlons du fléau de l'été. Alors les bestioles qui viennent envahir la France, les rats. Hein. Il y a des rats partout. Oui. Avec les inondations, ils sont sortis de leur rivière. Ça y est, ils sont remontés là. Ouais. Donc il y en a à Paris. Il n'y a jamais eu autant de rats à Paris. Bon, à Marseille, vous avez l'habitude. Il y a des rats. Il y a des rats à Lyon aussi qui sortent du Rhône et de la Saône. Ouais, c'est ça. Ils ont fini de nager, ils sortent. C'est ça. Et hop là, la remontée. Ils viennent voir. Et attention avec ces inondations, également prolifération de moustiques un petit peu partout en France. Ouais. Méfiez-vous. Voici quelques petits conseils pour lutter contre les moustiques ce matin. Ah ben moi j'ai un premier conseil. Vas-y Romano. Ah ben moi sortez avec Cariole, puisque Cariole elle les attire les moustiques. Eh ben j'en ai une autre là qui nous a laissé un message. Ça s'appelle Alicia. Nous dit les moustiques sont amoureux de moi l'été. Ils piquent que moi. Je me lève tous les matins avec 20 boutons de moustiques. Ah, hey, c'est avec toi qu'il faut dormir Alicia. Il a de la chance ton mec. Ah mais pareil pour Cariole. Cariole elle se fait dévorer. Moi j'ai jamais rien. Je suis pratique. Hein. Ah ouais, ouais. Mais ça, c'est pour ça, t'es pratique, oui. Donc, on parlait de trucs pour repousser les moustiques, des espèces de, comment on appelle ça d'ailleurs, des produits répulsifs. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh bien, il y a des produits attire moustiques. Eh bien, il faut acheter une cariole. Acheter une cariole. Vous la mettez à côté de vous dans votre chambre et c'est elle qui se fait piquer à votre place. Ah, alors, mais c'est un truc de ouf. Hein. Vous prenez Alicia, elle est pas mal non plus. Alicia, elle se fait bouffer par les moustiques. Ah bah, c'est l'idéal. Vous prenez Alicia d'un côté, cariole de l'autre. Vous mettez au milieu. Alors là, vous êtes protégé, mais quoi. Définitivement. Vous n'avez pas une piqûre de moustique. Alors que faire pour lutter contre les moustiques? Alors, attention, vérifiez chez vous s'il n'y a pas de l'eau stagnante. Par exemple, dans les coupelles des fleurs. Dans les coupelles des fleurs, dans les pneus aussi. Dans les pneus. Si vous avez un pneu qui traîne. Ah, dans une maison? Non mais dans un jardin, carriole. Non, carriole. Tu sais, même dans une maison, tu as rarement de l'eau stagnante dans la maison. Normalement, si, dans les plantes. Sauf s'il pleut à l'intérieur. Non mais dans les plantes, dans les coupelles. Non mais un pneu. Ouais, non mais c'est vrai, un pneu original, il est plus dehors. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Je vous parle de ça parce que les pneus, c'est pour les moustiques, c'est super. Ah bah Valérie Damidot, elle a bien fait d'arrêter Déco parce que Valérie Damidot dans Déco, elle faisait des tables de chevet en pneus. Ah bah voilà, t'es envahi par les moustiques là. Elle te prenait un pneu d'une décharge de bagnole, une casse. Elle le peignait dégueulasse. Bonjour les amis, j'ai fait une table de nuit. Oui, elle est moche cette table, Valérie. Ah ouais, c'est bien, elle sentait le pneu et tout. Et en plus, elle est pleine de moustiques. Donc dans l'eau stagnante, dans les pneus, dans les gouttières également. Ah ouais, ça faut faire gaffe. Ouais. Trouver tout ça. Il y a tout un article qui a été fait ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Ah bah, mais, Cariole, c'est quoi que t'as acheté là, le boîtier là? Alors c'est un répulsif que tu branches, oui. Sauf que c'est pas du tout nocif pour les animaux et pour les enfants. Mmh. Et c'est ça émet des ondes en fait dans les murs et donc ça les empêche de venir. Ah. Ça tue pas les moustiques, mais ça les empêche de venir et ça marche super bien. C'est des ultrasons, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça marche pas du tout. Hein. Bah, chez moi, ça marche. Ah sérieux? Moi j'en ai un chez moi, je me suis fait défoncer pour rien. Hein. Ah, vous pouvez dormir avec Karim également. Ouais, ouais. Lui aussi se fait se fait l'amour avec des moustiques. Bah, peu, chez nous ça a marché, ouais. Ah bah, ouais, mais on a le truc. Bon, c'est juste relou, c'est que ça fait. Pourquoi ça fait tic tic? Bah parce que je sais pas, dedans il y a un système et t'entends un petit claquement à chaque fois. Bon, c'est un peu relou. À chaque fois que ça envoie l'ultrason, ça fait tic. Ouais, ça fait clic. Ah, c'est le genre de truc qui te rend fou. Hein. Ah ouais. Donc, en fait, c'est moins fou qu'un moustique. Hein. Oui, c'est vrai que j'allais le dire. Ah non, mais ouais, quand le truc il est vers l'oreille et t'entends. Ah, tu te mets des gros gifles. Ouais, ouais. Oui, non, mais moi je suis pas débile. J'essaye de le tuer, mais bon. Il vaut mieux le petit tic que le petit bzzz. Ah ouais, c'est le pire, ouais, c'est quand il te court vers l'oreille. Là. Donc l'eau stagnante, évidemment. Les moustiquaires, c'est moche, mais bon, ça peut servir. Ah, ah c'est vrai que c'est utile. Cédric, toi, les moustiques ils te piquent? Ouais, ils me piquent, ouais. J'ai la peau sucrée. Oh. J'ai la peau sucrée dans le sang. Ouais, ouais. Pareil. Non, je sais pas, c'est le médecin qui m'a dit ça. C'est bien foutu de cailloule. Je savais pas que les moustiques aimaient l'huile. Ah, non, pas l'huile. Bah, tu as la peau un peu grasse, Cédric. Non, mais les mecs. Les moustiques doivent aimer l'huile. Non, mais genre, t'as été chez un médecin, le mec te dit, vous avez la peau sucrée, mais t'as léché le bras. Il l'a goûté, ouais. Bah, tu sais ce qui attire les moustiques en général. Il m'a pas léché que le bras. Ouais, préfère pas savoir. Est-ce que la gamelle, c'est considéré comme de l'eau stagnante? Bah, à partir du moment où t'as de l'eau dedans, cariole, si l'eau stagne, ça peut être un nid à moustiques. Non, mais ce qu'il faudrait que tu fasses, cariole, c'est mettre un système pour que l'eau elle bouge, tu sais, ouais. Des mini vagues, ouais, tu fais, voilà, tu sais, genre une gamelle à vague, ouais. C'est comme un aqualand, ouais, c'est ça, ouais. Gamelle, mais ça fait des vagues parce que fais gaffe, il peut y avoir des moustiques. T'as carré, les questions de merde, il y a des soucis quand même, tu sais, pour le chien, mais qu'est-ce qu'il faut. Et pareil, pour éviter les moustiques, il faut s'habiller en vêtements clairs, ouais, c'est vrai, pas ouais, mais d'accord, mais on s'en fout des vêtements, non, mais la nuit, tu vas pas mettre une combinaison, si, tu mets une combinaison claire, une combinaison blanche, tu mets une DJ là-bas blanche, ouais, c'est joli comme tout, joli comme tout, mignon tout plein avec. Bon, attention donc aux moustiques, on vous a prévenu, il est 8h50, le réveil de Star. Eh ben c'est à 8h50, donc ça arrive dans 2, 3, 4 minutes, on est un petit peu à la bourre ce matin. Oui, Christian Jean-Pierre va réveiller les familles. C'est Christian Jean-Pierre qui réveille les Français, mais ne l'oubliez pas, Rihanna va peut-être vous rendre heureux ce matin. Les places pour le concert, les concerts de Rihanna, il y en a 4 en France. Hein. La tournée, ouais. Nice, Lyon, Lille, Paris, un peu comme l'Euro, elle fait sa tournée, Rihanna a gagné, je vous donne le top, allez. Dans 5 minutes sur Skyrock, tenez-vous prêts. Le temps d'écouter le nouveau maître Gims, Ma beauté. Il est 8h50 et l'horoscope dans une minute. Leclerc. Maman, t'as besoin de quelque chose sur parapharmacie.leclerc? Parapharmacie.leclerc. Mais si, tu sais, parapharmacie.leclerc, c'est le site où tu retrouves nos marques de parapharmacie préférées à prix Leclerc. Génial! Ah, carrément, et en plus, tu retires gratuitement ta commande dans un des magasins Leclerc de ton choix. Sur le site parapharmacie.leclerc, retrouvez plus de 2000 produits d'hygiène, santé et beauté de grandes marques de parapharmacie à prix Leclerc. Retrait gratuit de votre commande dans les parapharmacies, les drives et les centres Leclerc participants. Voir modalité sur parapharmacie.leclerc. À ce prix-là, maman, une petite crème anti-rides? Quoi? J'ai des rides, moi, maintenant? Le footballeur Antoine Griezmann et le rugbyman Fabien Galthié. Tu vois, Antoine, nous au rugby, le ballon, on le sublime. Le ballon, on le prend en main, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Et parfois même, on le transforme. Bah nous au foot, tu vois, le ballon, on le trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça? Ah, subjugant. Le championnat d'Europe, ça match avec Sport 2000. Jusqu'au 19 juin, le ballon France est à -50%, soit 9,95€ seulement. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Voilà, c'était la pub avec Grizzly. À Allez, on y va pour l'horoscope. L'horoscope de ce lundi 13 juin. C'est parti. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Votre horoscope et les 12 signes avec leur puissance amoureuse, les poissons et les scorpions, vous avez 0 sur 5. Célibataire ou couple, vous serez pas vraiment sur la même longueur d'onde que vos proches aujourd'hui. Bon, pas de panique. Heureusement, vous n'avez pas passé la semaine comme ça. Ça va s'arranger dès demain. Bon courage pour cette journée, poissons, scorpions. Mais oui. 1 sur 5. Les lions et les balances. Bon, être un peu possessif, c'est pas mal. Mais vous le serez beaucoup trop aujourd'hui. En gros, on va vous trouver lourd. Vous allez prendre la tête aux gens que vous aimez, les lions et les balances. Casse-couille. Bon courage à vos amis et à vos chéris. 2 sur 5, les capricornes et les gémeaux. C'est une journée assez calme dans la vie amoureuse aujourd'hui. Vous en profiterez pour faire avancer vos projets dans tous les autres domaines. C'est une journée pour faire avancer tout le reste, à part l'amour. 3 sur 5, les béliers et les taureaux. Vous serez d'humeur romantique aujourd'hui. Une belle journée qui s'annonce. Vous allez surprendre positivement ceux que vous aimez. 4 sur 5, les verseaux, les cancers. Oui. Vous aurez l'art et la manière d'être au bon moment, au bon endroit. Eh bien, ça tombe bien parce que vous aurez de la chance aujourd'hui. Ça va vous servir toute la journée en amour. Verseau, cancer 4. Et pour finir, les meilleurs, les sagittaires et les vierges. Ah. Tout ce que vous voudrez, ou presque, vous l'aurez, ou presque. Beaucoup d'amour, beaucoup de romantisme, de la passion et même du sexe aujourd'hui pour vous, les vierges et les sagittaires. Une journée de rêve. 5 sur 5. Parfait. Profitez bien et dans un instant, qu'il est sexe. C'est Christian Jean-Pierre qu'on va retrouver. Christian Jean-Pierre de TF1, de Téléfoot. Oui, Christian Jean-Pierre de TF1, de Téléfoot. Et du réveil de star sur Skyrock. En direct de la part, c'est le morning de Difool sur Skyrock. The morning show. 6h-9h tous les matins. Ouais, avec Maître Gims, le nouveau Gims sur Skyrock, ma beauté. Ça va les petites beautés? Ça va bien. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fan. À moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, ouais. Je l'ai bien mérité, ouais. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça. Ma beauté ne me laisse pas, ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi c'est une évidence. Je sais ce n'est pas gagné d'avance. Mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, ma beauté repose-toi. Toi, j'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Passe-moi, réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché. Et dans les rues, elle t'abandonne. Et dans la rue, elle t'abandonne. Maître Gims, le nouveau Gims, c'est la bande originale de Camping, le prochain Camping qui va sortir là. Ouais, en fin de mois là, ouais. Ouais, vers la fin du mois de juin, je crois que c'est le 24. Enfin, ouais, bon, c'est ça, ouais. Mois de juin, il sort, fin du mois, et déjà la BO sur Skyrock, la BO de Maître Gims, il est 8h56. Voici le réveil de Star, il arrive, il est là, on l'accueille avec plaisir, Christian Jean-Pierre. C'est gentil. De rien, on est comme ça, oui. Nous, hein. Allez. Le réveil de Star. Une star, un appel. on écoute. Christian Jean-Pierre qui, si vous l'avez perdu, continue de commenter des matchs sur TF1. Ouais. Il commente les petits matchs de TF1. Ouais. C'est Grégoire Margoton qui a pris sa place et présente Téléfoot toujours, Christian Jean-Pierre. Oui, c'est ça, ouais. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour. C'est Christian Jean-Pierre qui réveille ce matin la famille de Pascal. Eh bien, allez, vas-y, Christian. On va voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va être bien reçu. Christian Jean-Pierre de Téléfoot, de TF1, du football et du réveil de star ce matin chez Pascal. Allez, c'est parti. Bon réveil à Pascal. On va voir ce que ça va donner, cette histoire. Allez, cri-cri. Allô ? Bonjour. Ouais, c'est qui ? Je suis journaliste sur TF1. Oui. Journaliste pour TF1 ? Oui ! Moi, je connais pas. Ce n'était que votre quatrième match de l'ère Didier Bonjour. Deschamps et on a l'impression que vous n'avez jamais quitté cette équipe. C'est quoi la connerie, Lou ? On vous sent très à l'aise avec les Bleus. Un mot sur Marseille. Comment vous vivez-vous personnellement cette saison difficile ? Allô ? Ah. J'adore The Voice. Ah, t'adores The Voice ? Oh, c'est bien, mais The Voice, lui, dit que c'est pour les PD. C'est juste un immense plaisir. Moi, je pense que c'est aussi pour les ringards, The Voice. J'aurais adoré être celui qui a pensé à ses fauteuils, au buzzer et qui se retourne sur une voix. J'aurais adoré. C'est la folie. Ah ouais, c'est un peu con, hein. Non, sincèrement, non. C'est un peu débile de buzzer à l'aveugle comme ça. C'est le principe de The Voice aussi. Je vous le dis, je rêve d'avoir une idée comme ça pour TF1. Hein ? Oh ben alors, ben, cherche tes idées. Pas du tout la présenter, hein. Non. Juste arriver en disant, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui va plaire aux gens. Je trouve que c'est la plus belle émission de qui soit. Oh, putain, comment je m'en fous. Mais tu sais que demain, la gendarmerie, quand je vais leur dire qu'on m'a appelé deux fois en anonyme, vont pister l'appel et vont, je vais pouvoir porter plainte. C'est un truc, je vous assure, totalement addictif. Mmh. C'est une drogue dure. Ah non, on se connaît de où, on a élevé les cochons ensemble. Bon, on dort. On dort. Si tu veux, tu viens en face, on va te mettre une droite dans ta gueule et puis là après tu vas pouvoir dormir, nous laisser tranquille parce que tu seras KO. On va retourner à Clairefontaine. Ah. Clairefontaine. Mais moi j'habite l'Élysée. Ouais. Et ouais. Ça c'est de la punchline. Tout de suite, après une page de pub. Non, Christian Jean-Pierre, il est obsédé par la pub. L'autre, il veut qu'on envoie des pubs toutes non, les deux non, minutes. Non, mais on va pas maintenant. Hein. Merci, Christian Jean-Pierre. Dans quelques secondes, la pub, mais on a des choses à faire avant. Et en tout cas, bravo. Donc, Christian Jean-Pierre, attention, Nikos, méfie-toi, il veut se recycler dans The Voice. Hein. Ah, ouais. Attention, fais gaffe. Depuis qu'on lui a enlevé les matchs de l'équipe de France, Christian Jean-Pierre cherche à se recycler à TF1. Donc, The Voice, ça lui plaît beaucoup parce qu'il y a des fauteuils qui tournent. Ah, bah ça me fait rêver. Et ça, pour lui, c'est la folie. Hein. Et sinon, les matchs de boxe, puisque l'autre, elle voulait le boxer, la femme de Pascal. Ouais, tu viens. Hein. En fait, Pascal était très calme, sa femme l'est moins. Ouais, un peu moins, ouais. Merci. Elle veut faire retrouver l'appel, tout ça. Et ben merci à la famille, merci Pascal, merci ta femme. Et pour le combat de boxe, on verra peut-être un peu plus tard. Oui. Christian, Jean-Pierre, pour l'instant, il s'occupe du foot et de l'euro. Vos places pour l'euro à gagner sur Skyrock, vous le savez, c'est tombé ce matin, mais pas que. Parce qu'il y a aussi des places pour aller voir Rihanna. Vous aimez Rihanna, bah vous avez bien raison, vous voulez la voir en France. Tournée exceptionnelle, tournée Skyrock le mois prochain dans les plus grands stades. Hein. Dans les stades de l'euro. À Nice, à Lyon. À Lille, à Paris, et vous avez vos places maintenant à gagner au 41-759 ou sur la piste Skyrock. Vous vous inscrivez, vous laissez vos numéros de téléphone, laissez vite vos numéros, votre prénom, on en tire un ou une au sort et vous faites tourner la roulette avec nous. Ouais. C'est la roulette Riri, la roulette Rihanna sur Sky. Il est 9h du matin. Emeric à la journée mondiale des donneurs de sang, 14 juin 2016. Salut, c'est Emeric sur Skyrock. Aujourd'hui, on parle du don de sang avec Richard. Alors Richard, toi t'as 18 ans et tu viens de donner ton sang. Comment ça s'est passé ? Bah plutôt tranquille, c'est la première fois que je donne mon sang et franchement ça s'est super bien passé. Ça m'a pris allez 40 minutes et les gens étaient super sympas. C'est quoi qui t'a motivé à donner ton sang ? Bah je sais que ça sauve des vies tous les jours et qu'il n'y a pas de médicaments pour remplacer le sang, donc je sais pas, ça me semble normal. C'est un geste super simple mais aussi super utile, alors j'ai pas hésité. C'est clair. Merci Richard. Toi aussi, sauve des vies en donnant ton sang. Toutes les infos sur jedonnemonsang.net. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sananas. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto. Vous pouvez poser les pinceaux, l'idée c'est de ne rien faire et de vous laisser faire. Au make-up bar de Sephora, de super pros sont là rien que pour vous. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour le smoky de vos rêves et être au top du top niveau. Être encore plus belle sans bouger le petit doigt, moi je valide. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora. Au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Skyrock. Skyrock. Géant.

les huitièmes à gagner sur Skyrock, mais aussi les quarts, mais aussi les demi. Et même la finale, restez bien dans le morning. C'est à gagner tout au long de cette semaine. Et puis, on va accueillir notre sélectionné, notre gagnant, c'est qui ? Julien. Voilà. Salut Julien. Bonjour Julien. Salut. Salut. Salut Julien, t'as 30 ans et t'es à Reims, c'est bien toi, hein ? C'est bien moi. T'imagines, non, j'ai pas 30 ans. Non, pas... Ah c'est pas toi, désolé Julien. Au revoir Julien. C'est l'heure de gagner Rihanna pour toi Julien. Elle passe dans les stades, alors elle fait pas l'euro hein, Rihanna, elle fait l'après-euro. L'after-euro. C'est ça, ouais. Elle sera là au mois de juillet dans un mois en France avec Sky. T'es prêt pour gagner tes places ? Ouais, c'est du lourd. Attends, c'est du lourd. C'est la roulette Rihanna, c'est parti. 100 places de concert Rihanna a gagné sur Skyrock. Et ouais, vos places à choper, c'est pour toi Julien, on fait tourner la roulette. Allez, c'est parti les gars. Allez, c'est parti. Bon, la roulette, elle tourne, on l'a lancée, maintenant c'est à toi de l'arrêter. Et on va voir si t'as tes deux places pour aller voir Rihanna en concert avec Sky. C'est bien, toi t'as la pêche le lundi matin, il y en a qui ont le réveil difficile le lundi. Bienvenue au club. Et bien pour toi, Julien... Réveil facile et deux places pour aller voir Rihanna dans la roulette, c'est gagné. Bravo. Les gars, ouais. C'est parti, luxe. Eh ben c'est parti, enfin, t'as le temps de te préparer, hein. C'est le mois prochain, tu vas aller voir Rihanna en concert avec Skyrock, le Stade de France, le nouveau Stade de Lyon, l'Alliance Riviera à Nice et le Stade Pierre-Montroy à Lille. Elle sera partout et tu y seras aussi, Juju, c'est gagné. Mortel, les gars, continue comme ça. Merci, Juju. Tu vas ramener qui avec toi au concert? Je vais ramener sûrement faire plaisir à des potes ou une copine, je vais voir ça. Eh bien, soyez gentils avec Julien, vous le connaissez, il a des places pour Rihanna, il peut même vous y amener d'ici le mois qui vient. Salut Juju, ciao. Petite dédicace les gars, c'est possible. Vas-y. Ouais, c'est dédicace à tous les poteaux de Reims, au salon de coiffure Ju Barbershop, meilleur salon de coiffure de Reims les gars. Eh bien le meilleur salon de coiffure de Reims, comment il s'appelle? Ju Barbershop, c'est ton salon à toi? C'est mon salon à moi, les gars. Ah, oui, parce que Julien, Jus, Barbershop. Ok. Et voilà. Ok. Eh bien, Skyrock à fond la caisse. Salut à toi, Juju. Ciao. Salut, les gars. Salut. Et c'est l'heure du zap du morning. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin dans le morning? Et écoutez bien, plein de choses. Le zap du morning. Ce soir, je supporte l'Italie. Italia. Italia. Bye. Voilà. Et Cédric, je te rappelle, tu supportes la Belgique. Cédric hurle Italia et les Belges. Ah, pour faire plaisir. Tu comprends vraiment rien au foot, Cédric. C'est définitif, ouais. Qui c'est qui est au téléphone? C'est un copain de Manuel. Écoutez, il est là, Manuel? Manuel, il est pas là, Manuel. Il est où, Manuel? Mais je l'entends, Manuel, derrière, il est en tête gauche. Oui, vous l'entendez, Manuel, mais il n'est pas de service, Manuel. Il est pas là. Manuel, allez, au revoir. Manuel, il est sur le tronche. Il est bon. Cédric, tu veux pas qu'on trace? Non, ça va aller. Mais tu veux les cheveux de Cédric? Non, c'est sûr. Pour un tapis, éventuellement. Un tapis, mais un tapis de toilette. Pour faire tomber la gougoute de pipi. Voilà. Toi, tu connais l'entraîneur. Sale. L'entraîneur sale. Bah ouais. Qui a mis sa main dans son slip et qui s'est senti les doigts juste après. Bon, évidemment, filmé à la télé. C'est l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne, c'est Joachim Löw. Voilà, et il se touche la nuit, qui doit sentir mauvais. Ouais. Il était là. Ça sent très mauvais dans mon slibard. Ça sent le pipi. Eh, hey, Kevin. Je sais pas ce qu'il a, il est tout plein de morpions. Tu es le champion de ce matin. Champion, mon frère. Tu viens de gagner tes deux places pour aller au huitième de finale. Tu gagnes les huitièmes de finale. Eh ben oui, ça y est, c'est bon. Bah, on peut pas te dire le match, mais tu découvriras. Bravo. Non, bah super, merci beaucoup. C'est surtout Jean-Louis qui en a de la chance. C'est lui qui va se faire réveiller par Didier. Bonjour. Bonjour Didier, comment vas-tu? Ça va. T'as presque la même voix que lui, Romano, quand tu lui dis. Le vrai, c'est lui. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Okay. Très bien. C'est l'entraîneur de l'équipe de France. Didier Deschamps, tout de suite. Bonjour. Je sais pas qui c'est, là. C'est moi qui entraîne les joueurs. Si tu veux jouer avec moi, toi, tu sais que je m'appelle Jean-Louis, d'accord? Directeur du Club Med. Bon, écoute, tu me casses pas les couilles. J'en ai rien à foutre. Vous vous foutez pas de la gueule des gens, non? Chacun fait ce qu'il veut. Tête de con, alors. Bonjour Sabrina. Oui. Bonjour. C'est la radio. Bonjour. Sabrina. Oui. On est en direct à la radio. Tu es en direct dans toute la France, Sabrina, et on t'appelle pour te faire des sous. J'ai entendu. T'écoutes? J'écoute. Une super radio, toi, le matin. C'est alors super. Attention. Sabrina, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben c'est la bonne. Bravo. Ouais, bravo Sabrina. Ouais. Bien joué. Tu viens de gagner en direct sur Skyrock 1 500 euros, Sabrina. Ah oui, non mais ça fait du bien. Ça fait toujours du bien. Merci beaucoup. Bah ouais, Sabrina dans son taxi. Elle a gagné 1 500 euros. Elle écoute Skyrock. Elle répond Skyrock. Elle gagne. Bonne chance à vous aussi. Et bonne chance aux Belges ou aux Italiens, Cédric? Allez, les Belges. Ça y est, tu sais quelle équipe tu vas soutenir? Ouais, les Diables Rouges. Parce que ce matin, je t'ai senti partir un petit peu du côté de l'Italie. Ça, c'est pas du vrai supporter. Hein. Non, mais je me suis laissé entraîner dans le champ, quoi. Mais laisse tomber. Bon, eh bien, ce soir, Belgique-Italie, le match en direct de Lyon à suivre. Vous allez voir le match, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous laisser vos messages ce soir en direct entre 21h et minuit. On suivra ce match, on fera plein de choses aussi ce soir, soyez là. Et on aura aussi notre rendez-vous avec le Clash de la Drague. Romano est sorti du studio, où est-il? Allô, allô, Romano? Oui, je suis à nouveau aux toilettes. Encore? Pour la troisième fois. C'est quoi? C'est toutes les émotions qu'on a vécues ce matin, les places de foot, les places pour Rihanna, les 1500 euros, les télés, tout ça. Hein. Ouais, il y a tout ça, et puis je crois qu'il y a aussi des restes du week-end. Bon, là, rien à vous cacher. On vous l'a dit, l'alcool est dangereux pour la santé, surtout pendant l'euro. Ah ouais, ouais, ouais. Hausse de consommation, rien qu'à toi tout seul, Romano, tu nous fais monter la consommation. Ouais, mais il y a trop de matchs par jour, trois par jour, moi je tiens plus. Ouais, hein. Ouais, trois matchs par jour, il va falloir tenir le choc. Hein. Fredo, t'es prêt pour tenir le choc pour cette grande journée de football qui démarre? Une journée football. On sera là évidemment tout au long de la journée. Ah oui, avec les Espagnols qui jouent, avec les Suédois, aussi, et avec les Belges et les Italiens. Ça, on s'en occupe ce soir. Ça, en c'est chez vous. C'est chez nous entre 21h et minuit, juste après le Planet Rap. Gros Planet Rap d'ailleurs cette semaine. Le Escrew qui débarque aussi tous les soirs. Le Escrew, le deuxième groupe de Nekfeu après un 995. Et Nekfeu, il a plein de groupes. Il a plein de groupes. Et donc, ce soir, ce sera l'Escrew. Très bien, Fredo. Je vois que toi aussi, t'as le lundi un peu difficile. Hein. Non, ça se réveille tranquille. C'est ça. Bon, lundi, pour le morning, c'est terminé. Pour la journée, vous restez bien sur Skyrock. Du son toute la journée, Urban Music non-stop, 20h, Planète Rap, Escrew, Nekfeu. Et 21h, la radio libre sur Skyrock. Avec toute l'équipe, une équipe en folie dans notre studio bleu, tout bleu de Skyrock. Ouais. Dans lequel tu es actuellement, Fredo. Je suis dedans. Ça va pour la déco. Mieux. Ça va, hein. Mieux. Ah, t'as vu ça un peu. Hein. Mais on pourrait aller plus loin. Hein. Vas-y, Fred. Ne te gêne pas. L'euro ne fait que démarrer. Et dans le studio bleu de Skyrock, on te laisse les commandes avec le son de Sky. Tu démarres avec quoi? Je vais démarrer dans un instant avec I Took a Pill in Ibiza. Ah, c'est bien. Mike Posner. À Ibiza, prendre une petite pilule pour être en forme ce matin, Fred. Ouais. C'est une bonne idée, tiens. Et demain matin, vos places pour l'euro à gagner, les quarts, les demi ou la finale pour demain. C'est pour vous. Tenez-vous prêts. Passez une bonne journée. Puis à tout à l'heure, 21h. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Salut, Fred. À toutes. Salut, ciao. Tout le monde. À tout à l'heure, 21h. C'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée. J'espère que le lundi est pas trop dur pour vous aussi. Tiens, dites-nous, envoyez un petit message, le son de Skyrock. Et puis attention, guettez bien le 9h midi. Toute la semaine, j'ai 200 euros en bon d'achat chez showroomprivé.com à vous filer. C'est dès que vous entendrez le Joule et Vita et seulement entre 9h et midi. Vous entendez en intégralité ce morceau, un petit message au 41759 et vous repartez avec 200 euros en bon d'achat. Je vous en reparle tout à l'heure, évidemment, à moins que ça tombe dans un instant, hein, le son de Joule Vita. Restez bien à l'écoute de Skyrock. Nous, on revient sûr avec ça. Ce sera dans un instant. Ce matin, je crois que ça va être un festival. Le son de Mike Posner qui arrive juste après. En juin et en juillet, Skyrock t'en met plein la vue. Ah, c'est cool. Tous les matins, le Crédit Agricole t'envoie sur les 8e, quart, demi et finale de l'Euro 2016. Avec tes places en tribune déjà réservées. Merci beaucoup, Skyrock. Et toute la journée, Skyrock t'envoie sur les 4 stades de Rihanna, à Nice, Lyon, Lille et Paris. 200 places pour l'Euro 2016, 400 places de concert pour Rihanna. This is Rihanna. Écoute Skyrock et gagne-les à tout moment. Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock, premier sur le foot, premier sur Rihanna. Maman, tu me racontes une histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. Bah, c'est quoi? C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Bah, tu lui racontes quoi, là? Une belle histoire. Ah, oublie pas celle du pneu Continental 16 pouces à 69 euros seulement. Ah, si toutes les histoires finissaient aussi bien qu'une offre Volkswagen. Volkswagen. En ce moment, pour 4 pneus achetés, on vous offre le maillot des Bleus. Prenez rendez-vous sur volkswagen.fr/rdv. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 13 juillet chez les partenaires participants. Conditions sur volkswagen.fr. Maillot offert pour 1 euro de plus. Beau mec à 500 mètres. Va tout droit. Tourne à droite dans 50 mètres. Beau mec en vue. Tu es arrivé à destination. Smax, l'appli de rencontre qui te guide vers de belles rencontres. Télécharge Smax, S-M-A-X, Smax, et active ta destination vers de nouvelles rencontres. Vous avez entre 18 et 25 ans. Vous recherchez un métier haletant et dynamique au service des autres? Devenez sapeur-pompier de Paris. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris recrute et forme des futurs sauveteurs. Plus d'infos sur pompiersparis.fr ou sur notre page Facebook Recrutement sapeurs-pompiers de Paris. Sapeurs-pompiers de Paris. Soldats au secours de la vie. Sport 2000.